Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Tout va bien, messieurs ? Ça va très très bien. Est-ce que vous êtes prêts à vous attaquer à ce monument qu'est Final Fantasy VII Remake ? Auquel on a tous joué évidemment. À l'original. Évidemment. Moi, le premier, j'ai joué 4 heures cet été avant d'arrêter. Alors oui, on peut commencer par préciser ça. Effectivement, bon, vous connaissez le principe de l'émission. On spoil les jeux. Hein, donc FF7 Remake, on va le spoiler. C'est le principe. L'émission qui va au bout des jeux, tout ça, vous avez compris. Mais on fera forcément un petit peu appel à des notions du premier. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui se passe. Mais pour parler de ce remake-là, on sera obligé à certains moments de mentionner des choses qui se passent dans l'original, donc voilà, au cas où. Si vous n'avez vraiment pas du tout connaissance du premier Final Fantasy VII et que vous avez envie de le faire, voilà, prenez vos responsabilités avant de continuer d'appuyer sur le bouton lecture. Mais n'oubliez pas Patreon. Très important. Alors Patreon, on y revient juste après. On va d'abord faire un petit SO à notre sponsor third édition, la maison d'édition. J'étais presque, je me suis dit, j'ai réussi à tendre une perche et tout. C'est pour ça que c'est Hugo le présentateur. Ouais, tu vois, c'est lui. Il a le truc, hein. Il a le truc dans la tête. Alors on remercie évidemment third édition, notre sponsor. Je l'ai dit, la maison d'édition dans les jeux vidéo. Pas que vous connaissez, voilà. Parce qu'il y a deux bouquins sur FF7. Parce que je crois qu'ils aiment bien. Je crois qu'ils aiment bien le jeu original. C'est un truc qui. Oui, on a une citation de Mehdi, j'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu, alors que le mec, c'est son jeu préféré de sa vie. Bref, donc il y a deux livres qui sont sortis chez Third. Il y a le livre sur FF7, donc qui a été écrit par Mehdi et Nicolas, les deux fondateurs de Third. Et puis il y a un autre livre qui a été traduit qui revient un petit peu sur la conception, le design. Alors il me semble que c'est des trucs. Entretiens en fait, hein, et pas mal d'interviews, donc vraiment les paroles des gens qui ont fait Final Fantasy VII. Et donc c'est une espèce de petite compilation hein, de tout ça. Donc avec ces deux bouquins-là, je pense que voilà, vous avez de quoi faire en termes de Final Fantasy, vous êtes large. Exactement, et par contre on ne leur fera pas de pub pour leur podcast Third Strike parce que bah, c'est la concu, donc désolé les gars, on n'en parlera pas. Non, ils ont fait un épisode aussi dessus si jamais vous voulez aller checker ça. Maintenant on peut passer à Patreon, voilà les choses importantes, les vrais bails. La Blacklist, c'est le prochain palier, on en a déjà parlé dans les deux précédents épisodes. Vous savez que vous pouvez voter sur notre Discord pour élire les jeux qui peut-être rejoindront le roster, la liste, la fameuse liste de l'émission. Il y a quand même déjà des vainqueurs hein, qui se sont plus ou moins désignés. Il y a un combat au sommet pour la liste d'Hugo, mais pour nos listes respectives et votre liste, hein, puisqu'on a la liste des paysagistes, n'est-ce pas, qui a été choisie. Pour rappeler rapidement le principe, en gros, donc, c'est des jeux qui... C'est pas qu'on les aime pas, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est des jeux qu'on aime beaucoup, mais qu'on sait qu'ils nous demanderaient beaucoup de temps de préparation. Donc, on s'était dit, on en parlera plus tard. Étant donné que le Patreon a explosé hein, l'année 2020, là-dessus, on était très contents. On s'est dit, bah, on va vous laisser la possibilité de choisir ces jeux-là. Donc il y a 4 listes, un jeu par liste, 4 jeux qui se rajouteront peut-être l'année prochaine. Oui, voilà. Enfin, dès qu'on aura atteint le palier Patreon. On verra quand ça arrive. On n'est pas particulièrement pressé. Hein. L'idée, c'est pas de l'atteindre tout de suite. Mais voilà, vous pouvez aller voter. Et bien sûr, pour le petit combat que parce qu'en gros, il y a une lutte au sommet entre GTA 4 et Pokémon. Gold et Silver. Enfin, la deuxième génération, voilà. Et je crois que ce matin même, Maxime, tu as vérifié. Écoutez, à la clôture de la Bourse de Paris, on disait, voilà, vers, je sais plus, 10h, quelque chose comme ça, pour être très précis, il y avait égalité parfaite entre Pokémon et GTA. De vote, un truc comme ça. Oui, hein. Donc, ouais, c'est quand même un match très, très. Autant sur les autres listes, on le disait. On sent que Diablo, Mass Effect et Deus Ex, priori, on en parlera un jour. A priori, ils seront là. À moins que des serpillères arrivent pour faire voter. Restez avec nous pour savoir le secret des serpillères. On en parle très bientôt dans l'émission. Le foreshadowing que tu fais, voilà. Si vous voulez défendre Nico Bellic ou Pikachu, eh bien, vous pouvez y aller sur notre salon Discord. Et puis, vous pouvez évidemment nous soutenir sur notre Patreon, car oui, c'est important. Voilà, on va pouvoir rentrer dans l'épisode. On a choisi une musique, messieurs. Je vois que ça se battait un petit peu. On hésitait parce qu'il y a quand même bon, la musique Final Fantasy. Normalement, vous voyez, c'est quand même un peu deux sujets importants. Donc on a, je sais pas. Comme d'habitude, en fait, étant donné que je ne fais pas le montage et que c'est Max qui a le dernier mot. Moi, j'aime bien quand Benoît dit on, alors que. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour donner l'impression que tu vois, c'est un choix. Alors qu'en fait, une espèce de collaboration. C'est Maxime, tu vois, dans son laboratoire secret. Là où il fabrique Fin du Game. Là, il y a une sélection de 3 musiques. Moi, je cliquerai sur les 3. Celle-là, j'aime bien. Puis je mettrai. C'est à ce point-là. C'est un mélomane. Sachant que, bon, il y a encore des gens, je pense, qui se souviennent de ce qui s'est passé, le scandale à l'eau du dernier épisode. C'était pas un scandale. J'ai l'impression que la j'ai quand même lu un commentaire d'une personne qui tombe. et que ça l'avait surpris. Voilà. Oh, oui, ah oui, mais, non, mais, non, mais dans le bon, mais comme un cadeau de Noël. Mais oui, vois, non, mais en plus c'était juste pour souligner que moi ça m'avait fait mourir de rire parce que quand j'ai relancé l'épisode pour écouter, je ne m'attendais pas à cette surprise. Donc voilà, écoutez l'épisode sur Halo de Fin du Game, une émission qu'on vous recommande. Et que nous commençons juste après ça. Final Fantasy VII Remake, je ne le prononce pas à la japonaise parce que je ne veux pas vous faire ça, c'est sorti le 10 avril 2020 chez nous, ça devait sortir le 30 mars, mais il s'est passé des choses en 2020, vous êtes au courant. Je précise également que l'épisode original s'est sorti le 17 novembre 1997, vous souvenez-vous où vous étiez le 17 novembre 1997 ? Eh bien, je devais sûrement être en train de dormir en grande section maternelle, car on faisait encore la sieste à cette époque. C'est un jeu qui est développé et édité par Square Enix. On va peut-être revenir très brièvement. C'est quoi Square Enix ? Qu'est-ce que c'est que cette entité ? C'est trop drôle quand on commence à l'épisode et qu'on commence à se dire, alors attends, il va falloir qu'on raconte quand même, on va s'attaquer à Final Fantasy VII. Hein, donc c'est quand même un monument. Bah, donc à l'origine, ça s'appelait Squaresoft. Hein, c'est un studio quand même assez historique maintenant qui faisait du JRPG. Tout à fait. Qui s'est rapproché de Enix, qui était le studio qui s'occupait historiquement de Dragon Quest, qui est l'autre grande série du JRPG. Ouais, c'est ça, c'est JRPG, les deux grands studios qui faisaient du JRPG au Japon. The avec Most Ambitious Crossover, etc. Exactly, etc. Exactly. Bref, le fait est que le jeu vidéo japonais au début des années 2000, ça ne va pas si bien que ça. C'est assez compliqué. Donc, beaucoup de rapprochements. Square Enix, Bandai et Namco, SNK et Playmore, etc., etc. C'est devenu Square Enix, mais à l'époque, ça s'appelait Squaresoft, tout simplement. Effectivement, donc c'est en 2003 que s'est fait le merging, la fusion des deux studios, et puis ça restera comme tel. Mais donc 2003, sachant que FF7 sort en 97, là c'était vraiment que Square qui sort ça. Bon, pourquoi c'est un épisode important, Final Fantasy VII, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, pour nous, en Europe, ça c'est la première chose, c'est que c'est le premier épisode de Final Fantasy qui va sortir dans nos contrées. Le 6 était sorti aux US. Sous le nom de FF3. Ah oui, c'est vrai. Ça commence à devenir compliqué. Non, on rentre pas là-dedans, on ne fait pas ça. Ça commence à devenir bordélique. Non, effectivement, FF7, c'est un jeu iconique très clairement, mais c'est surtout parce que c'est un blockbuster qui est présenté comme tel et qui est vendu comme tel dans le monde entier. C'est-à-dire que pour moi, c'est mon premier souvenir de jeu vidéo qui passe à la télévision. C'est-à-dire qu'il y avait une pub, c'était pas le matin pendant KD2A ou tu vois le Club Dorothée, c'était vraiment une publicité comme ça en plein soir, boum, avec la grosse voix, un destin incroyable, vivez l'aventure ultime. Final Fantasy sur PlayStation. Non, c'est vrai, c'était la grosse voix du cinéma qui faisait les voix comme ça. C'était devenu un argument de vente en fait pour Sony, puisqu'on est encore un peu au début de la PlayStation 1, et surtout face à la Nintendo 64, ils mettent en avant le CD, le fameux CD qui lui va contenir beaucoup de données. Il y a des cinématiques en CGI, et même dans les communications, tu voyais en mode ouais, FF7, ça peut pas tourner sur cartouche, c'est pas possible. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on voyait beaucoup en pub. À l'époque, on est vraiment dans la guerre des consoles. C'est-à-dire que c'est effectivement. Vous connaissez l'histoire, hein. Sony devait réaliser la console de Nintendo, finalement ils se sont séparés. FF qui était à la base chez Nintendo aussi. Final Fantasy qui historiquement avait ses 6 premiers épisodes sur la NES puis la Super Nintendo. Et là donc Sony fait cavalier seul, se sépare et boum, Final Fantasy VII qui avait été démarré au départ d'ailleurs sur Super NES. On a des images de vieux premiers protos comme ça, voilà. et arrive finalement avec cette version donc sur 3 CD. Ça, c'était aussi un argument. Non, mais ça, ça faisait rêver, tu vois, quand t'es gamin, 3 CD. Tu dis, mais le jeu, attends, mais déjà, c'est sur CD, et le jeu est tellement fat qu'il y a 3 CD. C'était un argument incroyable. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça. C'est vraiment une espèce de surenchère Final Fantasy VII à l'époque, en termes de moyens, puisque ça reste un des jeux les plus chers de l'histoire du studio. Mais également, il est souvent cité parmi les jeux les plus chers tout court, puisque, alors j'ai cherché les chiffres, donc c'était un peu plus de 40 millions pour le développement du jeu, ce qui, à l'époque, était énorme en termes d'inflation. Vous pouvez quasiment doubler. Et en fait, c'est surtout le marketing qui, lui, était quasiment deux fois, enfin un peu plus de deux fois le budget réservé à la production. Parce que vraiment, ils ont voulu pousser le jeu à l'international et Squaresoft prend une place que personne n'avait en fait à l'époque. C'est vrai qu'on s'est repenché sur le sujet. En 97, des jeux gros blockbusters, moi je pensais évidemment à Tomb Raider ou des trucs comme ça, mais les grosses productions en phase de Final Fantasy, c'était Donkey Kong, Crash Bandicoot, Spyro, on était encore dans un jeu vidéo plutôt enfantin, on va dire, et là, boum, ils arrivent avec Final Fantasy VII. Et puis voilà, c'est quand même, nous en tout cas, c'est le jeu qui va vraiment amener le JRPG en France et sur tout ce qui... Tout ce qu'il a de grandiose, quoi, le truc qui dure 50 heures, le système de combat, toutes ces choses-là. Ça a vraiment lancé une mode, c'est-à-dire que depuis, tu vois, aujourd'hui, ça ne surprend personne que les jeux japonais, les Persona 5, etc., ça cartonne en France. Bah, en fait, c'est parce qu'à un moment, il y a eu Final Fantasy VII, on est tous devenus fous, amoureux, amoureuses de ce jeu-là, et depuis, on joue à des JRPG. Pendant quelques années, on jouait à des JRPG. Ouais, il suffit de regarder les ventes, il y a un effet, clairement, FF7, tu vois, que le 7, donc c'est celui qui s'est toujours, aujourd'hui, le plus vendu. C'est de tous les Final Fantasy. Le plus vendu. C'est quoi, c'est un peu moins de 10 millions, je crois, c'est dans ce jeu-là. Non, c'est plus juste. Plus de 10 millions, oui, c'est 12-13 millions, je crois. Ah, okay, ouais. Et on voit après, donc c'est un gouffre énorme, parce que bon, comme on le disait, c'est aussi le premier qui a vraiment été exporté, mais le FF8 se vend très bien, le 9 est un peu en dessous, mais on est toujours très haut. Enfin, on voit qu'il y a eu une grosse vague. Quoi, après. Il y a eu un gros pic après avec Final Fantasy X sur PlayStation 2, parce que là, de nouveau, grosse production, vraiment, voilà, ils envoient du lourd avec leurs DVD, etc. Ça a imposé la série quand même, voilà. Final Fantasy est devenu vraiment quelque chose dans le monde, et on parlait d'ailleurs de Dragon Quest, tout à l'heure. Là, ça, Dragon Quest, c'est une série qui est restée quand même très hyper populaire au Japon, elle même presque plus que Final Fantasy, mais elle n'a pas encore aujourd'hui su trop dépasser les trucs. Il faut dire qu'elle a mis du temps à s'exporter, parce qu'il a fallu attendre donc, Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit, qui sort sur PS2 des années après, tu vois, c'est quasiment 10 ans après FF7. Il a été décalé, je crois. Et donc, Final Fantasy 7, je pense que c'est aussi le jeu qui a montré que on pouvait s'exporter en Occident, les Occidentaux pouvaient kiffer les jeux, et ça, en fait, ça a ouvert la voie à tout un truc. Ça reste le numéro 1 du JRPG, c'est la licence JRPG quasiment ultime. Après, on peut prendre Pokémon, mais bon, voilà, c'est un peu différent, c'est pas en fait, la même chose. C'est sauce, pas tant en termes de qualité, parce qu'évidemment, ça va lancer des débats. Les gens vont dire non, mais moi j'aime bien tel jeu qui s'est vendu à 3 exemplaires, qui est super connu. Mais non, c'est juste qu'en termes de popularité, d'aura et de ce que ça a apporté, on va dire, de l'industrie japonaise dans le reste du monde, Final Fantasy et surtout Final Fantasy VII, c'est des jeux, tu vois, c'est des ambassadeurs. Vraiment, moi je le vois comme ça. Parce que pour recontextualiser un peu tout ce qui est Square Enix ou les gens qui ont bossé sur ces licences et tout, c'est aussi des mecs qui ont pu faire des jeux très connus hein, comme Chrono Trigger, t'as des trucs genre je sais pas Xenogears, Vagrant Story, des jeux comme ça. Mais oui, quand tu dis en termes de vente, non, ça arrive pas à la cheville. Ouais, c'est-à-dire que effectivement en termes d'aura, de popularité, vous pouvez avoir vos jeux du cœur et tout. Et moi le premier, vous voyez, Suikoden 2, voilà, j'ai tout dit. Mais c'est simplement que Final Fantasy VII, il a ce rôle vraiment d'ambassadeur. Il va imposer quelque part le JRPG comme un truc qui peut se vendre, qui peut en plus se vendre au grand public puisque c'est un jeu qui touche beaucoup plus que la niche historique. Et ça a permis derrière évidemment de lancer tout un tas d'autres séries, quoi. Et donc une aura telle qu'en fait l'idée d'un remake va très vite arriver, parce que bon, faut rappeler quand même que l'original, hein, les petits les personnages, c'est vraiment genre 18 bouts de pâte à modeler qui sont collés les uns aux autres. Ouais, c'est de du manière super déformé. C'est ouais, des monsieur patate. C'est des monsieur patate, exactement. Et très vite, même Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, et puis surtout Final Fantasy 10, quand il arrive, là on voit qu'il y a quand même une volonté de faire du réalisme. Enfin, c'était des jeux, c'était des claques graphiques, hein, comme on en parlait à l'époque. Il y a encore des gens qui utilisent ces termes, c'est rigolo. mais tout ça pour dire qu'en fait très vite il y a cette envie d'avoir un remake qui va arriver, les gens ont envie d'un remake. Il y a même des rumeurs comme quoi sur PS2 ça pourrait arriver, et puis ce qui va vraiment confirmer, sceller dans la conscience collective l'idée qu'il y aurait un remake un jour de FF7, c'est qu'en 2005 il y a une démo technique qui sort, qui est là pour montrer un petit peu ce que la PS3 aurait dans le ventre, hein, il me semble que c'est ça. C'est ça. Et donc on voit cette démo technique de Square Enix, c'était un remake de la scène d'intro de Final Fantasy VII, ouais, donc avec ça. Un cloud qui était modélisé, presque quelque chose qui est même assez proche de ce qu'on a eu aujourd'hui, parce que bon, c'était une démo technique, donc un truc jamais ils pouvaient le faire à l'époque, alors aujourd'hui c'est mieux, mais malgré tout, on voit qu'on était beaucoup plus proche de ce qu'on a eu aujourd'hui que ce qu'était à l'époque. Quoi. Et puis surtout, ça a fait rêver tout le monde, c'est-à-dire oui. que tu voyais arriver cette séquence que tout le monde connaissait, la musique instantanément, tu vois le travelling devant le réacteur, tu vois le train, tu te sais absolument ce qui va se passer, tu vois Cloud qui saute et qui te regarde comme ça, et tu dis... Et là derrière c'est genre PlayStation 3, enfin, tu te dis bon cela dans genre vous vendez du rêve, c'est pas très honnête hein, ça en termes de marketing, chers amis de Square Enix, ça ne se fait plus, il faut pas y aller à ce point là, ça se fait plus c'est des projets mais vraiment là ça faisait rêver, enfin, tu voyais ça en 2005, moi je voyais ça, je me dis bon ok je veux une PlayStation 3, bon au final ça s'est pas passé exactement comme ça, oui, mais voilà, le fait est que ça a donné restera. Encore plus d'eau, ça a apporté de l'eau au moulin de cette fameuse rumeur, et donc c'est devenu l'Arlésienne ultime, le remake de FF7. Oui, c'est juste intéressant de se pencher deux secondes sur pourquoi est-ce qu'on voulait un remake très rapidement, parce que comme le disait Hugo, dès le 8, le 9, il y a des améliorations techniques, mais c'est parce que le 7 du coup innovait techniquement et surtout graphiquement, il y avait des modèles en 3D, donc toujours sur des décors en 2D, mais des modèles en 3D, des cinématiques en CGI, et du coup très tôt, c'est les technologies qui évoluaient. Dès le 8, il y avait des personnages qui avaient des proportions réalistes, donc plus des monsieur patates, mais des mecs qui commençaient à ressembler à ce que tu voyais en cinématique. Mm-hmm. Et ça, très tôt, en fait, c'était un fantasme de fan de se dire imaginez FF7, mais avec des persos comme dans les cinématiques. Et là, c'est incroyable. Parce que aussi, Square Enix, il faut aussi se rappeler que donc, c'est un studio qui a été vraiment à la pointe de la technologie. C'est-à-dire que pendant des années, quand on cherchait à savoir ce qui était possible de faire en jeu vidéo, on se tournait vers les cinématiques de Blizzard ou de Square Enix. Tu vois, pour moi, c'était vraiment les deux. C'était des arguments de vente. Voilà, les deux gros arguments de vente, comme tu dis, puis les deux phares que tu regardais, du genre, oui, ok, on peut faire ça ou on peut faire ça. Et Final Fantasy, ça a souvent, pendant très longtemps, été voilà, la vitrine. Tu le disais, FF10, c'est pareil, quand les cinématiques de FF10 sortent. Tu vois, moi je me souviens de l'époque sur avant YouTube et tout, où tu sais, t'avais les vidéos avec la musique, tout le monde reprenait les cinématiques de FF10 parce que c'était impressionnant. Mmh. Voilà. Oui, parce que pour resituer, c'est bien le 10 où c'est les premiers décors complètement en 3D, c'est ouais. ça ouais. Parce que donc les 7, 8 et 9, c'est, on est encore sur du. Sur de la précalculée. Ouais. Et il y a du voice acting ou pas sur le 10 Pendant les cinématiques, parce qu'il y a le fameux rire de Tidus, oui, etc. Vrai, etc. Donc effectivement, l'arrivée du DVD permet en plus, tu vois, toujours une amélioration technique. En plus d'avoir un côté visuel, on peut aussi avoir les voix pendant les cinématiques, ce qui change beaucoup de choses. Et puis on peut quand même mentionner aussi le film Final Fantasy qui avait coûté une somme complètement astronomique et qui n'avait pas vraiment réussi à recouper ses coûts et qui a d'ailleurs mis un petit peu Square dans la panade avant qu'il ne se resolidifie avec Final Fantasy X, mais aussi Kingdom Hearts sur PlayStation 2, qui sont vraiment leurs deux gros succès et qui leur permettront de faire la fusion avec Enix. Alors je sais plus à partir. Ouais non, ça doit être bien après, mais faut pas oublier. Il y a le mobile aussi qui a en fait une partie. Oui, ça, assez... oui, non, ça c'est après, beaucoup après. Plus tard. Oui, c'est là c'est l'époque en fait où oui, donc c'est le créateur historique, donc Hironobu Sakaguchi de Final Fantasy, qui va en fait se séparer, justement parce que le film, donc Final Fantasy, les créatures de l'esprit, un film en CG, a coûté une fortune. À l'époque, Square Enix s'imaginait, je pense, être un futur Pixar ou un Ghibli ou un truc comme ça. C'est important de préciser, ça j'ai eu pour préciser dans un des articles d'Oscar Lemaire qui avait toute une saga sur Square Enix. Je ne les ai pas tous lus, mais j'ai lu ce un petit peu qui concernait l'époque PlayStation, etc. Ils n'ont pas seulement perdu de l'argent sur le film, mais aussi ils avaient investi dans toute une branche de studio, de films et tout. Enfin, comme tu le dis, ils voulaient vraiment faire des films. Ils ont complètement désinvesti de tout ce secteur, en fait. Bon, du coup, on en profite d'ailleurs pour faire un petit SO à l'industrie, hein, donc le site d'Oscar Le Maire. Allez checker ça. C'est payant parce que il faut bien qu'il puisse gagner sa coupe. Oui, mais surtout parce vraiment, que c'est d'une densité assez rare. Donc vous avez matière. Allez voir ça. C'est vraiment très chouette et on se sert souvent. On va souvent picorer sur l'industrie, en tout cas pour préparer les épisodes. Tout ça pour dire que l'ombre de ce FF7 remake va planer longtemps dans l'industrie et va cette fois vraiment être confirmé à ce fameux E3 2015, hein, qu'on est 10 ans après le glimpse de ce petit remake. Donc vous voyez, hein, dans le cœur des gamers, il avait ouais, pendant 10 ans régulièrement à chaque interview, oui, à chaque truc, on leur demandait est-ce qu'on va voir FF7 remake. Ouais. C'est vraiment un truc qui était là, qui tenait. Quoi. Alors que le 15 était sur le point de sortir en plus, enfin, c'est ça qui est tout intéressant. À fait, tout à fait, mais voilà, Sony qui va gagner l'E3, donc avec les trois Arlésiennes en même temps, hein, The Last Guardian, FF7 remake et Shenmue. ou 3. C'est bon, les 3 sont sortis. Les 3 sont sortis, on peut le dire, ça y est, comme quoi. Hein. Et voilà, le jeu qui commence son développement, par contre, un peu plus tard. En fait, il est développé en externe, c'est ça, au début, ouais, puisque, sachant que le studio interne, eux, ils sont en train de bosser sur le 15. Ouais, mais le développement a commencé, il me semble, la même année, en 2015, hein, si je dis pas de bêtises, du remake chapeauté par Nomura, donc on connaît pour Kingdom Hearts, qui avait déjà bossé sur FF7, l'original, qui est à la base character designer, mais qui s'est mis à bosser sur le scénario du 7 notamment. Et donc il chapeautait le développement par un autre studio qui était donc CyberConnect 2, mais c'est en 2017 où visiblement il n'est pas satisfait par ce que ça donne, et le projet est remis en interne. En fait, c'est Square Enix qui développera le tout. Et du coup, c'est le retour aussi de plusieurs personnes qui avaient bossé sur l'original, donc Kitase, qui lui est producteur, Nojima... Qui était donc directeur sur l'original et qui devient producteur sur celui-ci. Nomura, qui sera donc director sur le remake, Nojima, qui était au scénario à l'époque et qui remplit encore une fois, et ils ont dû aussi, là, parce que je connais, moi JRPG, hein, c'est un genre que je connais pas très bien, donc ils ont dû bosser sur d'autres jeux connus, etc. Comme j'ai dit, Nomura, Kingdom Hearts, je n'en ai fait aucun, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est blacklisté? Voilà. Sans doute. Ah, mais c'est même très blacklisté, on peut le dire. Mais oui, bon, on va pas faire toute la dynastie, hein, parce que c'est des gens, évidemment. Non, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le remake n'est pas fait par une nouvelle génération, ou en tout cas pas uniquement, mais il y a quand même beaucoup des gens du studio qui étaient là à l'époque. Il y a quand même quelques nouveaux, hein, évidemment, qui vont venir et qui auront des places importantes, mais en tout cas, ces trois noms qui sont importants pour le remake l'étaient déjà, en fait, à l'original, tout à fait. Et un des enjeux du fait de rapatrier comme ça la production du jeu en interne, c'est aussi par rapport aux ambitions de ce remake. Parce que bah, forcément, quand à l'époque, le 3 CD, c'était l'argument, aujourd'hui, avec des ambitions graphiques dignes de ce qu'on peut attendre sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, etc., imaginez l'intégralité du contenu de Final Fantasy VII, ça représentait 12 Blu-ray, j'en sais rien. Donc, à un moment donné, en fait, je pense qu'en interne, ils se sont rendus compte qu'il fallait revoir les ambitions de ce remake et de se poser la question de qu'est-ce qu'ils voulaient en faire, en fait. Et donc, est-ce qu'ils voulaient refaire trait pour trait, vous voyez, vraiment en mode échelle 1 pour 1, l'intégralité du jeu original en version super jolie, oui ou non, et finalement ils ont choisi une approche un peu différente, et puis évidemment on va revenir là-dessus tout au long de l'épisode, en se disant on va faire un premier épisode qui sera concentré uniquement sur une partie du jeu de base, donc la fameuse ville de Midgar, qui représente un pourcentage assez infime finalement. Oui, c'était 7-8 heures de l'original. Sur une quarantaine d'heures, donc c'est pas non plus le truc ultime, mais il y aura des twists de partout avec les fameuses serpillères qui vont nous permettre de nous mettre sur la piste de ce que veut faire réellement Square Enix à ce niveau-là, puisque un des trucs qu'on peut associer à ce Final Fantasy Remake, c'est la communication, on va dire, un petit peu... C'est vrai que là-dessus, par rapport, eux, c'était peut-être clair chez eux, cette idée de dire, on va segmenter le truc en 2, 3, 4 parties, on ne sait pas, bon, on peut supposer que ça sera peut-être une trilogie, je pense. En général, le 3, c'est le chiffre magique. Voilà, marcherait. Mais c'est vrai que là, sur la communication, c'est quelque chose qui est resté, on va dire, tacite pendant très longtemps, et même jusqu'à la sortie du jeu. Il y a plein de gens qui ont appris, en fait, à la sortie du jeu, que, ah ouais, en fait, c'est pas tout l'original qui a été refait, c'est simplement cette partie sur Midgar qui a été upgradée en jeu, qui va quand même, lui, durer bien 25-30 heures, mais c'est pas tout le remake. Et ça a soulevé toutes les questions. Ah, mais du coup, attends, parce que Midgar, ça représente une petite fraction du jeu total. Là, c'est 40 heures, mais du coup, il y en aura pour 300 heures de jeu et ça va sortir en 25-30. A priori, le scénario où on jouera à Final Fantasy VII Remake épisode 28 en 2049 ne devrait pas se présenter de cette manière-là. A priori, l'avenir ne sera pas exactement fait comme ça. Non, mais de toute façon, c'est logique qu'il s'arrête à Midgar. Je pense pas qu'il se soit dit, voilà, 7-8 heures, c'est bien. C'est juste que ça représente une première partie assez nette. Il y a un découpage qui est assez évident, et effectivement tu peux dire là il y a de quoi couper. Après forcément ils ont dû rajouter du contenu pour faire un jeu complet, ils se sont dit on va couper là, mais on peut pas faire un JRPG en 2020 qui va durer à peine 10 heures ou entre 5 et 10 heures, forcément il a fallu rajouter. Après ils ont été malins, on en parlera d'ailleurs un petit peu par la suite, mais ils ont aussi profité d'avoir ce scope un petit peu plus petit que ce que pourrait être le méga remake de l'enfer pour ajouter des choses, affiner des trucs à la fois sur les combats, à la fois sur les personnages, bref, faire un vrai travail en fait de remake, de réinvention, puisque de toute façon on le sait, voilà, ce sera pas du tour par tour, on le sait déjà que ce sera pas du tour par tour puisqu'on a vu la démo et tout, donc voilà, il y a quand même ils vont profiter de cette occasion pour faire d'autres choses, et de toute façon c'est ce dont on va discuter un petit peu par la suite. Quoi qu'il en soit, malgré cette communication maladroite, le jeu sort et est quand même très bien reçu, le Metacritic est à 87. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est d'ailleurs, pas mal. Il faut. Ça y est. Ah, je vais lancer. Voilà, c'est le moment. Oui, mais oui, bien sûr. Alors, c'est écrit en rouge hein, sur mon conducteur. Alors, il sort. Et qu'est-ce qu'on en pense? Attendez, il faut l'introduire correctement. Vas-y. Pour les gens qui ne sauraient pas, il y a eu un épisode, je crois que c'est celui sur Outer Wilds, où notre cher... Last of Us, hein, moi je peux Last trouver... Last of Us, Last of Us. Je peux même insérer l'extrait, hein, si jamais. Non, on n'ira peut-être pas jusque-là, où Benoît disait... T'as le pouvoir qu'il a avec ça, c'est impressionnant. Attends, on dirait Google, quoi. FF7 Remake, pour les 2-3 du fond, qui croiront que c'est bien, et on nous l'a fait remarquer. On nous l'a fait remonter, on nous a dit, mais maintenant, alors, qu'est-ce que vous dites? Fais-moi eh bien, le Benoît, malin, là. Benoît, la France attend des excuses. Non, mais moi, je suis très content de dire que j'ai adoré le jeu, tu vois. J'ai passé un super bon moment, et je le dis justement dans mes différents vidéos tests et même previews, puisque j'avais pu voir le jeu un peu en avance. Là. Souvenez-vous, quand on pouvait sortir de chez nous. Et j'étais le premier surpris à dire que, en fait, c'est bien, tu vois. C'est-à-dire que je n'y croyais pas une seule seconde à ce remake. Je me suis dit, ils vont se casser les dents parce que c'est trop gros, parce que c'est trop ambitieux. Puis parce qu'il y a des attentes. Avant aussi, ouais, voilà. Qui a été très très compliqué. Honnêtement, moi, c'est pas un jeu que j'attendais particulièrement. Je me dis, bon, on va bien voir ce qu'ils vont en faire de leur remake, mais ça sent pas hyper bon non plus. Et à l'arrivée, vraiment, moi ça me dérange pas. Je peux m'excuser, si vous voulez, je me penche comme ça en avant. Non, mais y a rien à s'excuser, c'est ouf. C'est parce que j'y croyais pas et au final c'était bien. Oui, non, mais tu sais bien que sur internet, changer d'avis ce n'est pas possible. Revenir sur ce qu'on a dit il y a plus de 30 ans, ce n'est pas possible. T'as eu une opinion avec lesquels les gens sont pas d'accord. Je sais pas si tu te rends compte un peu. Ah ouais, non, mais ça c'est dangereux. Ouais. Hein. Non, mais bon, voilà. Bref, on se moque un petit peu des travers, on va dire, de la communication sur Internet. Le fait est que moi je suis vraiment agréablement surpris par le résultat. J'ai passé un super bon moment. Je suis même. Tu vois, ça a même été touché comme ça le petit cœur d'ado que j'étais en 97. Oui, parce que je me suis dit, voilà, tu vois, je l'ai vécu la sortie du jeu à l'époque. C'était, tu vois, tous les gens qui ont à peu près le même âge que nous, t'avais dit FF7, t'avais plus ou moins tout dit, quoi. Tu vois, c'était le jeu incroyable. Ça, on y passait chez des copains, on allait regarder, on venait avec nos petites cartes mémoire pour montrer les petites astuces, les trucs. Enfin, pour moi, c'est un jeu qui a occupé facile 2-3 ans de ma vie. Donc, forcément, j'avais des attentes qui me semblaient être démesurées. Et pourtant, à l'arrivée, j'ai trouvé que le résultat était vraiment ultra quali. Le jeu arrive à rendre hommage à tout ce qui était FF7 dans mon cœur, à moi, et puis a priori celui de pas mal de gens, d'une fort belle manière. Et en plus de ça, ils se permettent des twists assez incroyables sur quelle orientation ils veulent amener à ce remake-là, et ça c'est un des trucs dont on va parler dans l'émission. Donc voilà, cher Exerve, il y a quelques temps dans l'épisode, rassure-toi, le jeu en fait, il sera bien, et tu seras trop content de jouer à FF7 Remake, donc voilà. Non mais c'est vrai que pour résumer, là on a cité quand même pas mal de raisons qui fait qu'on pouvait ne pas y croire. Il y a tout le fardeau, ce fardeau de remake oui, un quoi, jeu qui a monument, autant marqué les gens, son époque, etc., la licence Final Fantasy qui connaît un petit creux de la vague depuis le 13, le 15 qui n'a pas vraiment aussi convaincu, qui était un peu le bazar. C'est vrai que Square, tu vois, jusqu'à justement... alors peut-être, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que si on voulait faire un petit retour sur Square Enix, on devrait faire limite un épisode là-dessus entier, parce que c'est assez compliqué. C'est vrai qu'à partir donc, de l'épisode, tu vois, il y a le 11 qui est un épisode online, qui n'a pas forcément trop bien marché, le 12 qui, pareil, c'est un épisode vraiment qui sort dans la douleur, qui marque les séparations, beaucoup de problèmes en interne. Le 13, en fait, il a beaucoup de stigmates à cause de cette annonce-là d'un pseudo FF7 remake. Ça devait sortir à une trilogie. Alors, les trois épisodes sont sortis. Il y avait le Versus 13 qui est devenu FF15. Enfin, vraiment, pendant des années, ça va pas trop. FF14 qui sort une première fois avant d'être réinventé intégralement et qui aujourd'hui est devenu le jeu le plus rentable, la poule aux œufs d'or de Square Enix. Donc là-dessus, ils ont été très malins et d'ailleurs, ils ont donné une place de choix à tous les gens qui font du FF14 puisque une partie de l'équipe s'occupera de FF16. Bref, le fait est que tu vois, c'est vrai que je me replace un ou deux ans en arrière, faire confiance à Square Enix, c'était pas, j'aurais pas parié là-dessus. Peut-être au tous final, les épisodes ont une histoire compliquée depuis, ça, c'est vrai, ouais. Depuis le 11, on va dire que chaque épisode a eu des travers, des choses même qui faisaient En fait, en vrai, même dès le 9, oui, ça voilà, commence à avoir des trucs. Donc, c'est vrai que forcément, voilà, il y avait moyen de pas trop y croire. Et voilà, tant et surtout, mieux. Comme on disait, ces questions subsistent, hein, mais comment ils vont faire oui, plus tard ça encore, d'ailleurs, voilà. C'est pas encore répondu. T'as raison de le préciser. Ouais. Oui. Est-ce que ça sortira 2, 3, est-ce qu'en 2025 sera terminé? Est-ce qu'il faudra attendre 2030? Est-ce qu'il y aura le remaster du premier remake avant que ce soit terminé? Des collections, est-ce qu'ils vont faire des remakes de Crisis Core? Est-ce qu'ils vont intégrer des épisodes un peu? La mission remake FF7 n'est pas encore finie, donc de toute façon, on mais pourra la pas première dire. Étape, en tout cas, elle est là. Moi, je suis content. Franchement, ça marche. Et on va tout de suite rentrer dedans avec l'histoire de ce remake. Présentons peut-être très rapidement le monde de Midgard tel qu'il nous est présenté. Il y a en gros deux strates, hein, c'est ça. Il y a les bidonvilles en dessous et le plateau pour les riches. Ça, hein, c'est un classique, hein, tu vois, dans de la SF avec la ville vraiment, tu vois, dégueulasse façon Gun, comme ça. Ouais, avec, Blade Runner, Gun. Blade Runner, tu vois. Metropolis aussi. Ouais. Exactement, le côté, vraiment les deux strates de la société qui sont matérialisées par une ville qui flotte, enfin, tu vois, qui est suspendu et versus les bidonvilles en dessous, avec donc la Shinra qui le est point vraiment culminant de, ouais, de la ville en haut, hein, qui est l'espèce de grande entreprise, méga corporation qui a la main à peu près sur tout ce qui se passe, hein, globalement. C'est leur ville, tu vois, oui, c'est voilà, vraiment c'est limite, oui, voilà, c'est... Non, mais c'est littéralement ça, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent le système d'égout, qui gèrent le système d'approvisionnement en bouffe, l'agriculture, enfin, tu vois, ils gèrent absolument tout, quoi. C'est pour ça qu'on voit souvent associer FF7 au cyberpunk, alors que c'est pas évident esthétiquement, c'est beaucoup plus. Steampunk, c'est des gros tuyaux en métal, la vapeur et tout, mais je pense que c'est pour ces raisons-là qu'on attend sur la place comme ça absolument centrale d'une grosse corporation. Ouais. Et donc on se retrouve, nous, dans ce monde-là, qui n'est pas uniquement dirigé par la Shinra, en fait, ils possèdent vraiment une région du monde qui est plus ou moins à eux, et au sein de ça, de cette ville-là, on va rencontrer donc les personnages d'Avalanche, qui sont en fait des militants, des activistes écologistes. Puisque la Shinra exploite donc la Mako, qui serait l'énergie vitale de la planète, mais qui se transforme en électricité et qui fait fonctionner en fait les matériaux, la chaudière et la cafetière. Exactement, tout ça. On incarne donc Cloud Strife, qui est un ancien soldat. Alors, soldat en majuscule. Hein, all caps when you say my name. Donc le soldat qui était l'unité d'élite, hein, de la Shinra, en tout cas de l'armée de la Shinra, et qui rejoint ce fameux groupe d'Avalanche mené par Barrett. Alors dans l'original, c'est Avalanche chez Barrett et compagnie et c'est tout, alors que ici, là, c'est une cellule d'Avalanche, c'est juste une branche, il y en a d'autres. La branche extrémiste, hein, d'ailleurs, un peu. La branche extrémiste, terroriste même, on peut le dire. Donc Barrett qui et le jeu s'ouvre en fait sur une attaque justement Barrett qui vont aller faire péter un réacteur de la Shinra. La ville est construite autour de plusieurs réacteurs, comme ça c'est la fameuse pizza, hein, puisque la ville est découpée comme c'est ça. C'est les pepperonis. Ouais, exactement, c'est les pepperonis, si vous aimez ça ou si vous aimez d'autres choses. Bref, c'est les réacteurs de Mako qu'on va faire péter, c'est ça l'intro du jeu. Et en fait, tout le long du jeu va se dérouler sur cette espèce de combat entre la Shinra et Avalanche, avec évidemment des péripéties et tout. Oui, on va pas rentrer non plus dans tout le détail, on va pas vous raconter l'intégralité du jeu. Les grands moments importants, donc c'est simplement de se souvenir que dans le groupe d'Avalanche avec Barrett, il y a Tifa, qui est une amie d'enfance de Cloud, c'est pour ça qu'ils ont pu se rencontrer. Après la première explosion, le groupe va être séparé, Cloud va rencontrer Iris, donc qui va devenir un personnage évidemment central de l'histoire par la suite. Ils vont faire péter un deuxième réacteur, parce qu'une fois qu'ils en ont fait péter un, pourquoi pas en faire péter un deuxième. Et donc là, par contre, ça se passe beaucoup plus mal, ils sont littéralement vraiment séparés, parce que le patron de la Shinra, en fait, on l'apprend, il contrôlait en fait les actions de Avalanche et il les utilisait même, hein, parce qu'il y a tout un délire de manipulation des médias, etc., pour faire passer Avalanche pour plus dangereux qu'ils ne le sont. C'est juste le moment de glisser une petite différence entre l'original et remake qui est pas inintéressante, c'est que dans l'original, ils font vraiment péter le réacteur, c'est une très grosse explosion, hein, dans la ville, ça se voit, ça fait peur aux habitants, ils commencent à se dire « Ah ouais, Avalanche, quand même, ça déconne zéro, ils sont quand même dangereux », alors que dans le remake, c'est une petite explosion qui détruit juste le réacteur, mais pas plus que ça, et c'est la Shinra qui active des robots pour faire péter vraiment tout le réacteur et une petite partie de la ville, ou en tout cas qui fait peur aux habitants. C'est volontaire pour faire porter le chapeau à Avalanche. Voilà, oui. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'on de toute façon on y reviendra tout au long de l'épisode. Il y a quand même un développement de l'histoire et de la backstory du jeu qui est beaucoup plus important dans ce remake. Donc au final, Cloud re-rencontre Iris. En fait, le duo va devenir vraiment central, puisque Iris est poursuivi par des gens de la Shinra. Il se retrouve malgré lui, Cloud, hein, tout simplement pour une bête raison de tu es devenu mon garde du corps. Donc voilà, il devient le garde du corps d'Iris. Très amusant d'ailleurs cette relation qui se noue entre cette séquence là justement où on descend, on est sur les toi là des bidonvilles avec Iris, elle est vraiment chouette, je trouve, comment les deux personnages interagissent entre eux. Iris qui devient tout de suite un petit peu plus taquine avec Cloud, qui est derrière un petit peu son armure, comme ça marche super bien. En tout cas, c'est un bon moment du jeu pour moi, j'ai de bons souvenirs de celui-ci. Et puis du coup, on enchaînera dans les bidonvilles, il y aura encore une section avec Iris, plein de trucs. En fait, on voit Tifa qui passe dans une calèche avec un chocobo, après, donc il y a tout le passage absolument incroyable chez Don Corneo au Wall Market. Au final, on se rend compte que la Shinra est toujours un peu derrière tout ce qui se passe de pas cool. À un moment donné, Barrett décide qu'il faut aller attaquer directement au cœur de la Shinra pour tout faire péter, et donc on va grimper dans la tour de la Shinra. Je vais très très vite. Oui, hein, oui, il y a pas un moment. Oui, il y a quand même la Shinra qui va décider, genre, on va faire péter le plateau. Mais pour si, que si, ça, ils veulent faire tomber d'autres plateaux pour continuer. Ils en fait, ils sont méchants, très très très très méchants. Dans le jeu original, en fait, on apprend que ben si tu plein de gens d'un coup, ça fait beaucoup d'énergie qui retourne dans la rivière de la vie et donc beaucoup d'énergie Mako. Et donc tuer des gens, c'est bien. Voilà. C'est... non, mais c'est vraiment, tu vois, c'est sur le bilan énergétique, on gagne des thunes, donc c'est quand même plutôt bien. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, on va se lancer à l'assaut de la Shinra. Comme dans l'original, on va grimper la tour, on va défoncer plein de bestioles, des mécaniques, enfin bref, tout ça pour arriver à ce point culminant. Alors, est-ce que je me souviens même plus s'il se fait vraiment tuer ou pas le président de la Shinra? Si, si, le président de la Shinra se fait tuer donc par Sephiroth dans le jeu original. A priori, c'est la même chose dans le remake, j'ai là-dessus. Transpercé, mais ouais, voilà, il se fait tuer donc par Sephiroth. On l'avait déjà vu, mais voilà, il y avait toujours l'ombre de Sephiroth dans un coin. En fait, on va également en profiter pour. Commencer doucement à rentrer dans le passé de Cloud et des soldats, puisqu'on va rencontrer le scientifique Hojo, qui fait des expériences, sur Aerys. Pourquoi ? Parce que Aerys, c'est la dernière représentante d'une ancienne civilisation, les anciens, voilà. Tu vois, Et qui saurait où se trouve, je sais plus comment ça s'appelle, la Terre Promise. Et ils voudraient construire un Néo-Midgar dans cette Terre Promise pour pouvoir absorber toutes les énergies. Pour avoir de la Mako, tu vois, directement dans les veines, ça serait encore plus rapide. Ah, c'est Bioshock après, ça te fait. Tu vois, le côté écolo, tu vois, parallèle avec ce qu'on peut voir aujourd'hui est assez ouf. Et surtout, en 97, c'était très avant-gardiste. Ils sont toujours avec Hojo. Ils vont rencontrer Red 13, le fameux chien slash loup slash il parle slash... Il lit dans les pensées. Bref, c'est une hybridation qui a été créée par... Super perso du jeu qui nous rejoint. Et donc, à la fin, étant donné que le président de la Shinra est mort, en fait, Avalanche va encore se retrouver à devoir porter le chapeau de ce truc-là. Le fils du président Shinra refuse, parce que évidemment c'est une entreprise, donc la démocratie ils s'en foutent, c'est le fils qui le népotisme vénère. Rufus prend le relais, ils s'attaquent, ils se poursuivent, l'autoroute, le fameux robot, et là bim, twist incroyable, on ne sort pas de Midgar tranquillement, se bat contre des serpillères. Des serpillères qui étaient là tout au long du jeu. Parce que régulièrement on les voyait. Alors on dit les serpillères parce que c'est vrai que ça ressemble. C'est comme ça que Barrek les appelle. Je trouve que ça leur va bien. Oui, il dit la pizza, les serpillères. Non, il est cool, il trouve des bons termes. C'est cool parce qu'il nous donne, tu vois, comme ça des petites vannes. Yes. Merci Barrek. Merci aussi les traducteurs, bien évidemment. Je ne sais pas comment on dit Barrek en japonais. Serpillère, pardon, en japonais. Et du coup, on va affronter en fait ces espèces de serpillères qui, Red nous l'explique, qui symbolisent le destin. C'est ça, en fait, c'est le destin qui intervient quand les événements prennent une tournure qu'elle ne devrait pas prendre. Alors pourquoi elle ne devrait pas prendre cette tournure? Parce que il y a un FF7 original, on reviendra dessus un petit peu après. On va affronter cette espèce de géant de destin. Alors là, on part dans des délires. Le destin, tu nous les casses, alors rendez-vous sur le parking champ, et du coup... Exactement, il y a un mégazord de destin, et il faut battre le destin. Et puis après, puisqu'on en est là, envoyer Sephiroth, baston aussi contre Sephiroth, et on gagne contre Sephiroth, et le jeu est fini. presque, parce qu'il reste toujours des petits twists ici ou là. Non, mais c'est vrai que toute la fin du jeu est quand même... en fait, tout le début du jeu respecte globalement bien ce qui se passe dans le jeu original, et vers la fin, plus on se rapproche de la fin, plus on sent que... ils prennent un peu des libertés, et justement le jeu en fait décide littéralement de nous faire combattre le destin. C'est zéro subtilité, en fait on combat l'histoire du FF7 original pour en quelque sorte se libérer, s'émanciper du jeu d'origine et donner naissance à autre chose. Et donc voilà, ça se termine avec évidemment le twist incroyable de Zack est en vie. On voit un mec si comme certaines personnes vous n'aviez pas fait l'original à l'époque, vous voyez un mec, vous n'aviez pas fait Crisis Core, un Cloud pas cher avec des cheveux noirs, avec l'épée de Cloud, on sait pas trop pourquoi, et on voit paquets de chips, il survit, tu dis a priori c'est qu'il devrait être mort, parce que si tu dis maintenant qu'ils ont combattu le destin, visiblement ce mec il est en vie, j'en déduis qu'il devrait être mort. Et voilà, on expliquera un petit peu en détail ce que ça suppose, mais quand on sait, ça veut dire que visiblement ils ont changé des événements potentiellement du passé, du timeline. Envoyez-nous vos meilleures théories, nous les lirons. De toute façon, ils se croisent, il y a deux timelines. On voit littéralement Aerys qui croise Zack. Ouais. Zack qui était d'ailleurs le petit ami copain, ex-petit ami. C'est pour ça peut-être qu'elle aime bien Cloud, parce qu'il lui ressemble. Parce que les meufs, c'est comme ça en fait. Elles n'ont qu'un modèle de mec. Je suis désolé. Il a les mêmes vêtements, la même épée. C'est la même personne. C'est logique, écoutez, c'est pas moi qui fais les règles. Mais du coup, ils se croisent. Effectivement, on peut supposer qu'il y a plusieurs timelines. Est-ce que Sephiroth vient d'une autre timeline? Tout ça. Oh là là, c'est... Non, mais c'est. c'est vraiment cool parce que ça, ça permet vraiment, quand on connaît le jeu d'origine, et ça soulève d'ailleurs la question de est-ce qu'il faut avoir fait le jeu d'origine ou pas, la fin, vraiment, c'est une espèce de gros mindfuck en mode, mais alors attends, qu'est-ce qui se passe? Ça change trop de choses par rapport au jeu d'origine. Toutes mes attentes en termes de, tu vois, de, je veux mes 83 épisodes qui respectent à la lettre ce qui se passe dans FF7, tout ça s'effondre parce qu'on se dit, bon, en fait, ça ne peut pas, le prochain épisode ne peut pas ressembler à ce qu'on connaît de FF7 original, et c'est manifestement ce que veut Square. Ouais. Mais on reviendra un petit peu en état sur tout ce statut de remake par rapport à l'original. Un peu plus tard. Ce que ça veut dire, un peu plus tard, voilà. En fin d'émission, on y reviendra plus tard. Vous cochez votre bingo. mais d'abord, là, on va essayer de se concentrer vraiment sur le travail qu'ils ont fait de refaire ce jeu, de redonner vie à cette légende. Là, je parle comme les mecs, c'est au marketing qui t'écrivent comme les press releases, tu vois. Bon, je pense que la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que graphiquement, moi je trouve que la mission donner vie au fantasme de tous ces joueurs et joueuses de 97 qui avaient envie de voir leur Cloud, leur Aeris remodélisé. Oh, j'ai pleuré. Ah, moi j'ai pleuré. T'as pleuré. surtout Maxime qui est très très émotif. Elle est quand même super bien remplie. Le jeu, il a quand même vraiment de la gueule, même par rapport, je trouve, au canon actuel. Sur les animations faciales, la modélisation alors des personnages principaux, on ne va pas parler des gens lambda de ce monde qui, eux, ne méritent pas tout le travail esthétique. Pas d'amour pour les PNJ. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Quand même, le jeu est assez magnifique. On est vraiment... Les cinématiques, et il y en a beaucoup dans le jeu, c'est du film d'animation. On est à ce niveau-là. Les scènes d'action, elles sont hyper dynamiques. Les petites esquisses qu'on peut voir dans les yeux de Tifa, il y a quand même un travail assez incroyable. Et ça, clairement, moi, c'est un truc qui m'a marqué, parce que j'en parlais justement dès ma preview et également dans ma vidéo, le côté micro-animation faciale, c'est un truc qui est assez subtil et qui, pour moi, est une des améliorations, tu vois, de ce qu'on peut imaginer du jeu vidéo dans les années à venir, parce que tu vois, le jeu, bon, il évolue, les niveaux sont plus grands, les textures sont mieux, la lumière, etc. Mais ce genre de petits détails-là, c'est pas très impressionnant, c'est pas les trucs sur lesquels tu vas pouvoir vendre des cartes graphiques, mais par contre, ça montre un vrai souci de mise en scène et de cinématographie du jeu vidéo. Et tu vois, moi, j'ai des souvenirs de sourire en coin de Barrett quand il fait des petites vannes et qu'il, tu sais, il se frotte comme ça le menton et tout. Je trouve ça incroyable parce que vraiment, c'est des petits détails, mais ça donne tellement de densité à ces personnages-là. Je trouve que rien que sur ça, Square, ils se sont fait plaisir, très clairement, tu sens qu'ils ont kiffé ça, et en plus, ils nous donnent vraiment, comme tu le disais, ce fantasme de tout ce qu'on avait imaginé. Moi, mon souvenir, c'est de me dire, à un moment donné, j'ai le contrôle de la caméra, donc je peux pousser le stick pour pousser, demander à Cloud de regarder en l'air, et je vois la pizza d'en dessous de Midgar, et de me dire, tu vois, c'était les trucs que tu t'imaginais quand t'étais ado, parce que tu t'imaginais cette ville-là, ça avait un pouvoir sur l'imaginaire, Final Fantasy VII, pour moi, qui était très très fort. Je pense que ça a été le cas pour pas mal de monde, hein. C'est pour ça que, tu vois, un film comme Advent Children, Crisis Core, enfin, dès que tu citais Final Fantasy VII, ça faisait plaisir à pas mal de monde. Là, c'était un peu le fantasme de ce diorama incroyable de la next-gen version FF7. Moi, j'étais ravi là-dessus, sur le côté visuel, rien à redire. Et comme je suis le rabat-joie de l'équipe, il faut parler, évidemment, hein, on disait moins d'amour pour les PNJ, mais alors les textures, certaines textures, on n'en parle même pas. Non, il y a des moments, c'est un peu cracra, hein. Clairement, ils ont bien bossé les visages et tout, mais t'as des portes ou t'as des murs, tu fais ah oui, ok. Bah, tu sens par contre qu'il y a un vrai déséquilibre entre les éléments importants, c'est-à-dire que en fait, tu sais tout de suite quand tu vois quelque chose dans le jeu si ça va avoir de l'importance ou pas dans l'histoire principale. C'est instantané, tu le sais. Il y a un moment, j'avais été choqué aussi, c'est assez tôt dans le jeu, c'est dans le podcast de la concurrence qu'on ne citera plus, non mais de Serre d'édition, il rappelle, c'est vrai que Tifa dit qu'elle a une chambre pour toi, un appartement, genre c'est la chambre 210, machin, tu passes devant les portes, tu sais, les portes sont complètement floues, c'est impossible de lire un numéro dessus, et t'es un peu ah oui, d'accord, c'est effectivement c'est peut-être pas ta le même PS4 Fat qui faisait le PS5, monsieur. Ah, t'as joué sur PS5 ouais. Eh ben, autant pour moi. D'accord, ok, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, je ne suis qu'un pauvre qui a eu qu'une PS4, moi, je ne suis pas dans la next-gen. Non, mais c'est vrai que quand le jeu était sorti, ça surprenait, parce que tu voyais vraiment une différence entre les deux qui pouvait même soulever la question de c'est un bug, c'est un problème de chargement de texture, il y a un souci, tu vois. Tu te dis, c'est de l'Unreal Engine, donc tu te dis, bon, on a l'habitude que les textures, elles arrivent quelques secondes plus tard. Mais non, il y a vraiment des moments où, voilà, t'as un gros truc flou, tu te dis, ce n'est pas là. Et là, tu vois un truc très joli, c'est par là. Ouais, t'as aussi le moment où t'es dans la pizza et tu vois un peu les bidonvilles en dessous, c'est un JPEG de Skyblog, tu vois, en termes de qualité. mais en tout cas, c'est vrai, moi je suis d'accord avec le côté, c'est vrai que quand tu regardes là au-dessus et que tu vois la pizza qui trône, je trouve que ça donne tellement plus de puissance, en fait, à cet effet de se dire ah ouais, on est en dessous, quoi. Mais tu sais, c'est, oui, c'est ultra littéral, mais ça te tombe sur la tronche comme ça, et du coup, je trouve que tu peux bien plus comprendre ce que, bah, ce que ces gens du bidonville, enfin, tu vois, leur ciel, tu sais, ça fait penser à Diogène, c'est ôte-toi de mon ciel, bah, voilà, t'as ça au-dessus de ton ciel qui te l'obstrue comme ça, et je trouve que, ouais, c'est une image qui est vraiment forte de l'avoir comme ça. Ouais, c'est vrai que t'es vraiment écrasé, et c'est un truc que tu pourrais pas avoir dans l'original, alors non seulement parce que, voilà, c'était décor 2D, caméra fixe, et t'étais filmé souvent de haut, mais il y a aussi, je sais pas si vous vous souvenez de quoi ressemble cette grosse, ce gros réacteur, c'est très cartoon en fait, c'est des morceaux qui sont très gros, mais bah c'est, ouais, un peu, c'est un peu grotesque entre en guillemets. En fait, t'as une séquence où quand tu quittes Midgar et quand tu y reviens, c'est toujours le même plan, et où on devine un petit peu la ville, mais c'est un des rares moments où on voit vraiment ce qui s'y passe, et là du coup, ils se sont permis en fait d'aller très loin, c'est-à-dire qu'il y a toute la séquence où on va se balader vraiment, comme tu le disais, là on voyait le JPEG des bidonvilles, quand on est en train de s'infiltrer dans le deuxième réacteur, on a une séquence donc où on voit des gros spots lumineux qu'il faut allumer ou qu'il faut éteindre, je sais plus. Passage passionnant, et donc en fait, on nous explique que, bah, moi j'ai bien aimé parce que ça nous permet de comprendre, tu vois, que les gens d'en bas, leur lumière est gérée, tu vois, leur cycle jour-nuit est géré par la lumière et les néons. Par leur grand mort. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, non, mais par les gens de la Shinra qui décident en fait. Et je crois que c'est à la toute fin du jeu que Aerys a une petite phrase en disant que le ciel, tu vois, métallique, ça va lui manquer parce qu'elle, elle a pas l'habitude de voir le ciel avec des nuages parce que justement, il faut s'imaginer que ces gens-là n'ont jamais vu ça. Donc voilà. Comme tu le dis, l'avantage en fait de la refonte graphique de ce jeu-là, ça permet d'apporter du détail donc sur des combats, sur des animations faciales, mais également de donner corps à la réalité des gens de ce truc-là. Et quand on a connu le jeu original, bah forcément, tu vois, ça t'apporte tout un tas de petits détails auxquels j'avais pas anticipé tout ça et qui faisait super plaisir. Et c'est aussi c'est le fantasme aussi de visiter du coup les bidonvilles, hein, de visiter Midgar. Et bon, alors en termes de level design, peut-être qu'on reviendra plus en détail dessus. C'est quand même très basique, hein, c'est que des couloirs, hein, tu vois, donc c'est, il y a pas beaucoup de verticalité, hein, concrètement, mais du coup il y a de la densité, tu vois, il y a de la population, tu vas entendre les gens parler autour de toi, parler de ce qui s'est passé, de tel événement, de leur vie un petit peu quotidienne, t'en sais un petit peu plus, tu vois, il y a des gens, parce qu'on le rappelle, Avalanche, bon, c'est des gens controversés, tu vois, où il y a des gens tout simplement qui ne vivent pas mal dans leur bidonville, ils ont accepté leur situation, tu vois, ils n'ont pas tous envie de se révolter contre la classe du haut, et t'as la partie bidonville, le quartier de le secteur, je sais plus quel numéro c'est, mais celui de Aerys, où vraiment là tu te balades, et puis t'as une musique aussi qui est assez, moi j'avais beaucoup aimé ce moment, vraiment, bon, il y a un côté un peu on peut être un petit peu chafouin quand on voit qu'ils embellissent peut-être un peu le côté bidonville, tu vois, il y a des beaux rayons de soleil, il y a la petite guitare sèche, mais c'est aussi une réalité, tu vois, c'est que c'est pas trop, ça fait pas trop dans la misère, tu vois, des enfants jouer sur la des misère toits est si et belle tout, pour citer des grands poètes. Tout à fait. Ouais, et puis bon, l'endroit où habite Aerys, tu vois, c'est un des rares endroits où il y a des fleurs, le truc galolique, voilà, elle a la maison Ghibli derrière cachée dans le bidonville. Un petit peu privilégié, mademoiselle Gainsborough. On ne respecte pas tout à fait notre non, mais non, peut-être non. qu'on peut faire aussi que, effectivement, comme je le disais, ils ont appuyé certains trucs, donc ça, la qualité graphique appuie ça, et puis il y a d'autres moments, comme tu dis, dans le jeu, qui vont appuyer d'autres choses, donc la vie dans les bidonvilles, dont qu'on va un peu plus observer, comme ça on va vivre au milieu de ces personnes-là et un peu mieux comprendre leur quotidien, et du coup quand même leur envie de on comprend mieux pourquoi Avalanche, tu vois, a envie de se battre dans ce foutu plateau que t'as au-dessus de la tête. Mais il y a aussi le passage avec Jesse, par exemple, qui est vraiment bienvenu, je trouve, en termes de scénario, qui permet de voir une autre facette, puisque là on va dans un quartier un peu plus bourgeois, hein, Bah là en fait on va sur le plateau. Exactement, on va voir en fait à quoi ressemble la vie sur le plateau, c'est quelque chose qu'on voyait pas dans l'original, qu'on connaissait pas. Non, c'est ça en fait, les rares moments où on allait dans le plateau, c'était soit pour se battre, mais donc on voyait rien, ou alors c'était pour le bâtiment de la Shinra en lui-même, mais on ne voyait pas tout le reste, quoi. Mais on voit quand même, malgré tout, que même ces personnes-là, elles sont quand même prisonnières de la Shinra, hein, puisqu'il y a son père qui est malade, à Jesse, il y a toute cette histoire-là, donc on voit que même si, clairement, ils ont un niveau de vie qui est mieux, en fait, on voit quand même toujours l'emprise de la Shinra, et qui a vraiment stratifié cette société, et qui a le pouvoir sur absolument tout, et donc même s'ils ne souffrent pas de la même façon, on va dire que, voilà, le capitalisme les écrase également, on peut le dire. Oui, c'est ça, on est tous écrasé par la même chose, mais pas avec la même intensité. Exactement. Et puis, tu as dans bidonville, c'est toujours intéressant de noter, t'as déjà un petit peu cette note dans l'original, mais t'as des gens qui travaillent pour la Shinra, mais qui vivent dans les bidonvilles et qui sont 100% pro-Shinra. Du coup, bah, on les voit, c'est les fameuses séquences de métro avec les trains qui permettent d'aller des bidonvilles juste à remonter, et les gens qui, voilà, s'imaginent vivre là-haut. Enfin, c'est assez réaliste, en fait, je trouve, ce traitement de la société, parce que c'est pas un truc qui est noir ou blanc, binaire, genre les les pauvres petites personnes versus les grandes méchants. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a plein de gens qui acceptent cette situation-là, qui la vivent bien, qui pour eux de toute façon. La promesse, c'est qu'un jour tu pourras monter en haut. Mais un peut-être jour, même tu pas, pourras. Tu vois, même il y a des gens qui vivent sans ça. En fait, leur objectif, c'est pas forcément que ça. Oui, ils sont contents de leur situation. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien bienvenu, effectivement, tout cet ajout-là, parce que en ça permet. Plusieurs perspectives, en fait, c'est si ça, je te coupe, exactement. Ça nous permet de voir différentes perspectives sur cette société, et du coup, ça la crédibilise, qui est une pluralité d'avis et de visions de comment est cette société, et c'est pas forcément, on pouvait le deviner quand même dans l'original, mais encore une fois, là, je trouve que ça nous pète beaucoup plus à la tronche, et du coup, ça renforce beaucoup plus ces thématiques qui étaient déjà présentes, mais qui sont plus vives, ouais, je trouve, ici. Comme on le disait, le remake, il y avait cette nécessité d'apporter du contenu pour juste avoir des heures de jeu qui satisfassent les joueurs, mais aussi, c'était l'occasion de creuser des choses, d'explorer, et comme on le dit, avec Jesse, là ils ont exploré tout un arc qui n'était pas du tout dans l'original, et ça aussi ça crédibilise aussi, puisque chez Avalanche il y a des gens qui ont des motivations différentes. Jesse, elle a cette croyance, alors qu'il s'avère être plutôt vrai, mais que l'esprit de son père est encore là, mais elle a peur qu'il soit absorbé par la centrale, et c'est pour ça qu'elle fait péter des réacteurs. C'est tout à fait légitime. Et dans ce monde, ça permet aussi d'en apprendre plus sur la réalité d'Avalanche, tu vois. On apprend, donc c'est effectivement un groupe assez structuré, assez organisé. On nous parle, alors c'est qu'à demi-mot, mais on nous parle quand même de la guerre contre le Wutai, donc ouais. Ça fait plus des références aux gens qui ont joué à Crisis Core, qui permettent de comprendre en fait les forces vives politiques qui sont, tu vois, à une échelle un peu plus macro, qui s'opposent dans le monde de Final Fantasy VII. Donc il y a quand même vraiment un tas d'informations qui viennent enrichir notre compréhension du monde et qui accompagnent du coup ce côté graphique qui vraiment, comme tu le disais, c'est la réalisation de ce fantasme-là. En plus de ça, il y a tout un tas de petits avantages parce que, merci la modernité, il n'y a pas de point de sauvegarde, on peut parler de la quality of life qui est super agréable dans le jeu. Voilà, il va y avoir plein de raccourcis, il va y avoir plein de petites bonnes idées par-ci par-là qui moi, nous permettent d'éviter. Moi j'ai beaucoup apprécié de pouvoir me retéléporter après les quêtes annexes au donneur de quêtes. Ça, j'ai trouvé que c'était un truc très bienvenu. C'est tout con, mais c'est une bonne idée. T'as la possibilité aussi de faire pause en plein combat et de recommencer directement le combat. Si tu perds, tu peux aussi recommencer directement le combat. Donc effectivement, il y a plein de choses qui viennent rendre l'ergonomie beaucoup plus souple qu'elle ne l'était à l'époque. Tu vois, c'était quand même. Tu y joues aujourd'hui, c'est quand même assez rigide sur plein d'aspects l'original. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment bienvenu. Le jeu est vraiment. Il se laisse couler très très facilement aussi grâce à ça. Il reste tout un menuing quand même avec les matérias ou les améliorations d'armes. Voilà, moi je m'y suis pas vraiment, je suis pas très fan, je m'y suis pas vraiment retrouvé. Il y a pas moyen de bien classer les trucs et tout. Mais heureusement, toujours, ça s'inscrit dans le quality of life. Mais pour les améliorations d'armes, on te laisse aussi les upgrades automatiques. Est-ce que tu vas être plutôt attaque, défense ou équilibré ? C'est bon, c'est le jeu qui s'occupera d'investir tes points de compétences dedans. Et c'est vrai, moi, dès que j'ai vu ça, je fais oui, ok, parce que l'espèce de galaxie machin, ça m'a pas. C'est marrant, tu vois, qui considère vraiment qu'il y a différents degrés implication dans leur jeu et de dire en fait si tu veux tu peux prendre la tête, alors à quel matériel machin je vais augmenter, mais de mettre des trucs ça automatiques se dans les modes de difficulté des combats parce que du coup tu vas pouvoir choisir de laisser un mode tu vois plus automatique effectivement au niveau des combats où pas mal de choses sont plus ou moins décidé à ta place. Ah oui, c'est et vrai. Tu peux baisser également le niveau de complexité des combats. Donc je pense qu'ils ont effectivement anticipé le fait que les gens n'allaient pas vouloir s'investir. Ils se sont dit, oui, mais alors pour tous les Hugo et Max du monde qui n'aiment pas les RPG. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Qui n'aiment pas trop les menus et les c'est trucs vrai, un peu. C'est et les statistiques et tout ça. Hein, c'est pas votre kiff, quoi. C'est pas le truc où vous. On va dire, ça n'est pas votre violon dingue. Et donc ils ont quand même laissé la possibilité d'automatiser tout ça. Mais moi, j'ai pas automatisé. J'ai bidouillé dedans, tu vois, donc j'aime beaucoup. J'adore les menus, etc. J'adore grinder. Ouais, t'as fini Subnautica Oh putain, quel chiant, on en parlera, pardon. Attention. Hein. Mais et sinon, du coup, pour en revenir au sujet, je suis en train de réfléchir, il y a un truc que je veux dire. Oui, les modes de difficulté, et d'ailleurs, de toute façon, tu n'as pas le mode difficile dès le début, il faut terminer le jeu au moins une fois pour débloquer le mode difficile, et de toute façon, jusqu'en normal, ça va, les matériaux, t'as pas besoin de trop te casser la tête, faut évidemment les utiliser, se soigner, c'est assez pratique, mais t'as pas besoin de tout comprendre, bien gérer les combos, les combinaisons et tout, parce que les types d'armes te permettent potentiellement de combiner différents types de matériaux, nanani, nanana. En normal, ça va, t'as pas besoin d'aller jusqu'à... D'ailleurs, on peut enchaîner on peut parler des combats, système de combat, effectivement, hein, qui est quand même une vraie réussite. Ouais, clairement. Sachant que à l'original, c'était du tour par tour, mais il y avait ce fameux ATB, hein, donc c'était Action Tactical Battle, un truc, je sais plus ce que ça voulait. Non. Active Time Battle. Time Battle, exactly. Thank you, Xerve. Donc, qui était. Il fallait quand même gérer un petit peu les timings. Là, on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus action, on est vraiment au contrôle des personnages, mais il va falloir quand même jongler entre les persos pour remplir cette fameuse jauge d'ATB qui permet justement de pouvoir faire des attaques spéciales, il me semble. Oui, c'est ça, en fait, les attaques de base se font naturellement, mais quand tu veux utiliser de la magie ou des pouvoirs, tu as besoin besoin de contrôler le personnage, parce que sinon la barre d'ATB ne monte pas trop, et donc assez naturellement, j'ai trouvé très vite qu'on jongle d'un perso à l'autre, qu'on passe de l'un à l'autre, et bah, ça nous donne en fait un contrôle qui finalement se rapproche de cette idée-là de semi-temps réel qu'on avait un petit peu dans les précédents. Oui, parce que surtout quand tu choisis tes pouvoirs, tes objets, hop, le temps se ralentit. Alors il se fiche pas totalement, mais il se ralentit énormément, ce qui fait qu'il y a quand même cet aspect très tactique des combats, et c'est vrai que plus le jeu avance, plus il va falloir vraiment jongler entre les persos, faire les pauses, analyser, se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, faut que je soigne avec Aerys, il faut que machin, je le lance faire boum boum boum boum barrette. Donc il y a vraiment tout un aspect tactique qui c'est va se développer. C'est le nom d'une attaque. Hein. Le boum boum boum boum. Oui, voilà, c'est le nom de beaucoup d'attaques de barrette, je crois d'ailleurs. Mais il y a pas mal de trucs qui nous poussent à switcher justement, à exploiter ce système. Déjà très tôt, le premier duo avec nouveau personnage qu'on aura, c'est Barrett qui tire à distance. Dès le début, on nous met contre des tourelles qui sont à distance que Cloud ne peut pas atteindre. Du coup, on se dit, ah oui, quand il y a une tourelle loin, il faut que je switch pour Barrett, pour que je fasse son attaque, etc. On finit vite par comprendre, comme vous le disiez, il y a l'ATB alors qu'il se recharge automatiquement, mais plus rapidement quand on contrôle le personnage, mais aussi quand on tape. Mm-hmm. Et l'IA, quand elle tape, sa jauge d'ATB remonte quasiment pas, beaucoup moins que la nôtre. Du coup, si on veut monter les jauges ATB pour pouvoir se soigner, utiliser un objet, utiliser une compétence spéciale, bah, faut switcher hein, pour monter toutes les barres. Et ça tombe bien parce que l'IA aussi elle est nulle, mais je pense que c'est volontaire, tu vois, l'IA elle est un peu nulle, un peu bête, c'est-à-dire qu'elle attaque pas les mêmes cibles que toi, parfois ils vont se ruer sur une cible qu'ils peuvent quasiment pas atteindre. Oui, ils restent en garde pendant 3 ans, oui, voilà. Ils visent pas dans le bon sens, ils regardent pas dans la bonne direction, L'IA est naze, mais du coup, on peut se dire que c'est pour nous pousser vraiment à switcher, à optimiser tout ça, à lancer des attaques qui ont des temps d'animation longs, et pendant qu'il y a ce temps d'animation, hop, on switch à un autre, etc. Donc non, le système de combat est vraiment très bien. D'ailleurs, les changements de caméra, j'ai trouvé que c'était tellement propre. Entre les fluidité, je trouve que ils sont sur le sweet spot de l'alternance. Ils ont une voice line quand tu switch. Il y a ce petit feedback quand tu changes qui est toujours très plaisant. Et c'est vrai que dans les derniers combats, t'es vraiment constamment en train de faire ça. Et puis il y a les boss qui sont aussi assez exigeants. Qui prennent une toute autre envergure. Alors j'ai lu d'ailleurs que la personne qui était responsable le battle director, qui est Taruki Endo, qui vient d'un certain Monster Hunter World, et oui, s'il vient de Capcom, et du coup il a bossé là-dessus, et je trouve que ce côté, ces boss qui sont assez longs à battre, tu vois, il y a vraiment le côté, je vais éprouver plusieurs phases, je trouve qu'on retrouve un petit peu de Monster Hunter là-dedans, surtout que c'est des bestioles, tu vois, qui sont assez gros et tout, les impacts qui tapent, enfin, c'est pas évidemment le même gameplay, hein, puisque Monster Hunter, c'est vraiment sur l'animation, etc., là, c'est pas la même chose, mais il y a ce côté long boss avec beaucoup de phases qui font que c'est des combats qui... Ouais, tu ressors vraiment essoufflé, mais c'est des combats vraiment marquants. Et ça marche très bien parce que ça rappelle justement ce côté. C'était vraiment des points culminants de l'histoire, les boss. Surtout qu'en plus, le rythme du jeu dans le jeu original, vraiment toute la partie de Midgar, c'est quand même mené tambour battant. Parce que on arrive directement avec l'attaque d'un réacteur, c'est quand même assez violent comme arrivé. C'est vrai que c'est une ouverture, forte quand même. Hein. C'est costaud, puis ça marque quoi, tu vois. C'est pas un petit début du genre je suis je me réveille dans mon lit, je suis dans une prison. Pars du village, tu vois. C'est vrai que c'est fort. Quand même, hein. Bien joué les gars, immédiatesse, hein, comme on dit, vraiment au cœur de l'action, ils partent là-dedans, et donc ça avait marqué, on enchaîne les boss, etc. Moi je sais que par exemple le combat contre le scorpion, je trouvais ça cool parce qu'il te force à utiliser à un moment donné, tu dois te cacher, là il y a des petits murets Gears of War qui sont apparus, trop cool, merci les designers de les avoir mis là, non mais il te donne vraiment plein de phases, les combats ne sont jamais, tu vois, impossibles, mais ils vont tout le temps te mettre sur la brèche, qu'ils ont réussi à trouver en mode normal en tout cas, comme tu disais, un sweet spot, un petit point d'équilibre qui marche très bien, qui fait que ces combats de boss, tu en sors, tu es content, tu vois, moi j'aime beaucoup ce genre de sentiment-là, et moi, comme je me suis pris au jeu, j'ai apprécié refaire le jeu en difficile, parce que là, toute la subtilité qu'il peut y avoir dans la gestion des matérias, comme tu le disais, l'impact de choisir telle arme par rapport à telle autre, là, t'en as besoin, parce que tu peux pas utiliser d'objets, donc ça te limite complètement ton panel d'action, et le jeu te dit, en fait, il y a toute une strate de la compréhension des matérias et des interactions apparition des personnages que tu n'avais pas vu en mode normal ou que tu avais peut-être commencé à à deviner, et maintenant il faut que tu exploites ça en mode difficile. Donc c'est vrai que moi j'ai trouvé ça cool qu'il nous propose ce mode difficile après le mode normal, parce que si j'avais commencé direct en difficile, tu vois, le jeu m'aurait paru trop galère. Et là en fait tu as le temps, tu t'entraînes tout au long du jeu, tu comprends les subtilités, et ensuite si tu as envie d'aller plus loin, tu peux refaire le jeu en mode vénère. Un autre truc intéressant qui rythme les combats, c'est aussi les invocations, parce que là il y a eu un truc complètement arbitraire, je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est que donc on débloque très tôt une invocation, je sais plus comment il s'appelle, mais un démon de feu, Ifrit, et il y en aura 4 en tout qu'on peut débloquer, 2 qui sont optionnels, enfin non, 3 qui sont optionnels en tout, mais bon, grosso modo on en aura peut-être 2-3 d'ici la fin du jeu, bref. Et ça, bon, c'est juste, il y a certains boss, hop, tu peux invoquer, l'invocation elle monte toute seule, hein, grosso modo, c'est les designers qui disent, bon, là c'est le bon moment pour invoquer, mais ça amène du reste, risque. Tu sais, dans cet effort de mise en scène, en fait, hein, sur le côté vraiment grand spectacle des combats, à un moment donné, bon, tu pourras avoir ton invocation qui va te dépanner. Sachant que l'invocation, c'est pas juste une attaque, genre en mode, vraiment un autre personnage qui va intervenir dans le combat, qui, tu peux consommer des jauges d'ATB pour lui donner des attaques spécifiques, quand tu fais la 2 ATB, en général, tu mets une grosse attaque, ouais. Et c'est vrai que là, moi je me souviens, il y avait ce combat dans les égouts quand tu retombes avec Don Corneo, il y a une espèce de Abzu. Voilà, exactement. C'est vrai que là j'avais mon mec de feu, enfin tu sais, ça il y avait un gros bordel comme ça, et c'est vrai que niveau particules, effets spéciaux, ils sont évidemment fait plaisir, et ouais, les combats ils prennent une envergure qui est assez chouette, quoi. Et là je mets ma petite casquette de rabat-joie. Et oui, Il la prête de la main, hein, pendant tout l'épisode, celle-là. Et j'aime beaucoup le système de combat, mais je trouve que les combats en eux-mêmes, il y en a trop qui sont trop peu intéressants, qui l'exploitent pas forcément de façon intéressante. Il y a des combats, c'est juste, ça va juste être 4 soldats, parfois c'est genre 2 rats que t'as, et du coup ça lance tout un combat, hop hop, tu switch et il dure 10 secondes. T'as des combats qui durent vraiment, qui doivent durer 10-20 secondes à peine, ou alors ça va être 4 soldats, t'en as 2 avec le bouclier, tu les as déjà vus plein de fois, je trouve pas ça très intéressant. Parfois t'enchaînes plein de petits combats, ou alors ils exploitent, t'as les ennemis qui sont juste un peu chiants côté level design, t'as les mecs qui ont une espèce des pales d'hélicoptère dans une main, tu sais, et parfois ils vont tourner un peu autour du niveau, justement sur le réacteur, avant qu'il fasse tomber une partie, et tu les vois plusieurs fois de toute façon, mais ils vont tourner un peu autour de la map, ou ils vont aller au-dessus des remparts. Alors, c'est vrai que la partie combat aérien, moi je me souviens, c'est pas là où c'est réussi. Le combat ne brille pas à ce niveau-là. Autant dans Kingdom Hearts, ils savaient le faire, autant là dans FF7 Remake, c'est pas ça. Parce que tu devrais donc switcher pour Barrett ou Iris, tu vois, qui peuvent taper les ennemis dans les airs, mais c'est pas forcément aussi gameplay le plus patient. Quand tu finis par faire que ça, il y a un moment un peu. Après, tu fais vent et tu les défonces. Hein. Ouais, tu peux. Ouais, ouais. Et puis bon, c'est le côté RPG du truc. C'est-à-dire que, tu vois, comme dans le jeu original, tu marchais 20-30 pas, puis t'avais une rencontre aléatoire. Les rencontres aléatoires. Hein, donc, le ça, côté. C'est côté bien ça d'avoir changé ça quand même, parce qu'aujourd'hui, combat aléatoire, c'est. Enfin, peut-être de ne pas voir les ennemis qui apparaissent comme ça. Il le disait, un des créateurs, qu'avec le réalisme qu'il y a, ça marcherait plus de juste faire genre pop, tu rencontres des gens comme ça. Avec un jeu qui est beaucoup plus action et RPG maintenant, en tout cas dans le système de combat, c'est vrai que bon, ce serait peut-être un petit peu étrange. Ça, la plupart des jeux de rôle, de toute façon, tous les JRPG récemment ont mis ce système-là en place. C'est-à-dire qu'au pire, tu vois l'ennemi qui se balade, qui marche, et tu le cognes. C'est une ombre. Tu le cognes et hop, le combat se lance. Parce que bon, il y a toujours la transition. Là, l'avantage, c'est que le combat se passe à l'endroit où toi tu étais. Donc ça, c'est super pour le côté immersion. Puis ça montre aussi le travail sur les arènes. Même si c'est vrai que c'est souvent des couloirs, mais les arènes de combat, ils sont quand même fait plaisir là-dessus. Moi, ça m'a pas dérangé, en fait, d'avoir beaucoup de combats, parce qu'au contraire je trouvais qu'il y avait un vrai plaisir, tu vois, bêtement, de pur gameplay, de m'amuser avec les changements de caméra, la gestion des raccourcis, tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à piger l'utilisation des gâchettes pour rapidement passer à l'attaque de l'autre perso, anticiper ce que j'allais le faire, et je change la caméra et je le déclenche, enfin il y a vraiment, t'as une maîtrise de ce système de combat, moi, qui m'a fait plaisir, et je l'avais relancé. Et qui s'éprouve dans la longueur, c'est-à-dire, si tu peux pas. Bon, on peut en parler de ça, du fait que le jeu original Midgar, c'est 8 heures, là, ça devient 30 heures, forcément, tous ces combats, tous les couloirs, il y a des sections qui sont ajoutées, mais qui sont aussi remplies de monstres. Enfin, voilà, on peut le dire, il y a des égouts, les petits réacteurs, il y a des labos, les fantômes, enfin bref, il y a beaucoup de passages qui sont. Le truc avec les mains mécaniques, ça, c'est pour Maxime. Il n'y a pas que ça, hein, mais alors parce que. Ah, il n'y a pas que ça. Il a alors, sa liste, attention. Alors, est-ce qu'on passe tout de suite juste au, bah oui, au oui, longueur oui, parce oui. qu'on pouvait citer, il y avait quelques autres trucs, parce qu'on en était aux parties un peu ce qu'ils ont revisité qui était sympa. Et moi, je lis le plan, il reste encore deux choses. Il y avait des apports narratifs bienvenus. Bah, ça, on l'a déjà dit en fait, ouais, Maxime, qu'on n'a pas suivi le plan. Bah, bien sûr. Voilà. Ah, bah, si, moi, c'était dans la qualité graphique, c'était vive les bidonvilles, et voilà, monsieur s'est dit, voilà, je suis allé à la fin, voilà, contorsionné. Non, mais. Est-ce qu'on parle donc aujourd'hui non, mais que les gens entendent. Que les gens entendent. Voilà, vous serez témoins. C'était factuel. Je suis désolé. Les faits, les faits sont têtus, monsieur. Bref, non, mais oui, on pouvait dire, qu'on voulait parler. Ce qui restait à parler. Dark Maxime, tu sais, celui qu'on c'était a que Wall pendant Market, les préparations. C'était Wall Market. Oui, voilà, qu'on voulait en parler. Passage qui était très chouette. Voilà. Ou moi, j'aimais bien la maison aussi. C'est quand même un. C'est un passage. Parce qu'après, il y a. C'est Wall Market d'ailleurs. C'est dans toute la section Wall Market, la maison. C'est le combat dans l'arène contre la maison. C'est ça qui veut dire par la maison. Ouais, c'est ça. Parce que dans l'original, on se bat contre des maisons, mais ça fait partie des fameux combats aléatoires dont on parlait. C'est vrai que là, ils ont fait tout un scénario. Il y a une arène, c'est comment. Par des gars en plus, oui. C'est tout un passage assez drôle. Puis c'est Cloud et Iris en plus, c'est tout l'arc où ils sont ensemble. Et j'aime bien la relation entre les deux, comme on le disait. Le caractère d'Iris est très cool. Et là, ils ont justifié scénaristiquement la maison qui est le combat final. Non, c'est un moment, c'est cool. Une belle surprise. Déjà, c'est un super hommage à cette espèce de maison parce que bon, c'est super random ouais, de tabasser ouais. une maison, mais là, du coup, qu'ils le mettent en scène dans ce tournoi, c'est vrai que ça, ouais, ça marche bien. C'est drôle. Bon, moi j'avais joué 10 heures au premier, donc j'avais combattu les fameuses maisons. J'ai fait ah, ouais, d'accord, on fait ça. Mais tu sens qu'il y a vraiment cet amour en fait du jeu d'origine et cette compréhension de l'aura du jeu. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé qu'ils étaient très lucides en fait sur ce qu'était FF7, ce que c'était devenu, tu vois, parce que forcément le jeu à partir du moment où il était sorti, et il y a des gens qui aiment tellement Final Fantasy 7, ça dépassait de loin, tu vois, ce que les créateurs à l'origine voulaient en faire. Mais ils ont quand même réussi à capter certains passages comme ça en comprenant ce qui était important. Et bah du coup, oui, dans le Wall Market, on va faire du flex là, on va aller faire des squats et tout, parce que ça marche bien. Il va y avoir toute la séquence où Cloud doit se travestir pour pouvoir rencontrer Don Corneo, et il y a tous ces moments-là qui sont absolument menés incroyablement. La fameuse danse en QTE, c'est génial. Là, oui, c'est ça, quand même c'est un gros moment. C'est vraiment un des meilleurs moments du jeu. Quoi. Et moi, ce que j'adore dans la scène de danse, c'est vraiment qu'il y a Iris, c'est vrai, qui est toute contente, qui applaudit qui est à fond dedans. Non, c'est vraiment cool. Non, mais c'est vraiment une séquence. Voilà, le Wall Market, c'est. Bah, on est vraiment dans le quartier un peu frivole hein, de Midgard, donc c'est là où il se passe un peu les trucs un peu bressons. C'est un peu un quartier rouge, tout simplement. Et du coup, bah, c'est vrai que là, le jeu, il peut peut-être en faire un peu des caisses. J'imagine que le traitement de certains aspects sont pas forcément très bien foutus. Bon, c'est normal, c'est un jeu japonais. Bah, on pouvait s'attendre à pire. Voilà, on pouvait s'attendre à bien pire. Moi, j'avais peur. Je trouve qu'il y a quand même bonne ambiance. C'est quand même assez léger. Il y a des choses qui sont drôles. Voilà, l'humour fonctionne bien la plupart du temps. Et c'est vrai que c'était. Et puis surtout, voilà, tout ce passage où voilà, Cloud est déguisé comme ça. Je trouve que c'est. Tu sais, il y a tout ce côté célébration comme ça de la personne qui fait que c'est, je trouve que c'est assez positif comme image que ça donne. Et moi, j'aimais beaucoup aussi, puisqu'on en parle, le moment où Cloud se déguise, on contrôle Iris à ce moment-là. En fait, vraiment, on voit Cloud, il est tellement, je sais pas, il y a ce côté, il est très gêné en fait, et alors que si nous on l'incarnait, on le regarderait un peu, tu sais, on ferait tourner la caméra autour, on dirait, ah ouais, ok, c'est ça la robe de Cloud. Et là, on joue à Iris pour voir Cloud, en fait, on prend la distance avec lui et on le voit vraiment quitter le truc. On voit, il est pas bien, il va dans la rue, il traverse la rue, je crois, faut le rejoindre en face. Et toi, tu joues à Iris et tu assistes à ça. Et non, j'aimais beaucoup. Et justement, alors je sais plus où on sait qu'on l'avait noté dans le petit plan, mais moi, un des trucs que j'ai trouvé réussi, c'est justement la façon dont Cloud est traité en tant que personnage principal dans ce remake. Dans le jeu original, en fait, ses secrets, les twists qu'il va y avoir par rapport à son passé de soldat sont révélés beaucoup plus tard. Là, dès le remake, on comprend très tôt que c'est un personnage qui est vraiment, tu vois, blessé, qui est vraiment meurtri par des trucs de son passé, qui fait semblant d'être un gros dur. Régulièrement, il est là avec son armure du genre non, moi je suis un gros dur, et puis en fait bah tu te rends compte que non, derrière c'est pas un gros nounours, mais c'est quelqu'un d'assez fragile, d'assez faible. Ouais. Et il y a plein de moments qui sont extrêmement touchants dans le traitement de ce personnage là et je trouve ça cool parce que bah c'est le héros de jeu vidéo, il est blond, il est jeune, il a une grosse épée. Normalement, tu vois, c'est un peu la personnalité masculine incroyable. En fait, non, pas du tout. Il a cette capacité, et c'est Max qui en parlait, tu vois, on le voit en plus qui se sort un peu les doigts du cul au fur et à mesure de l'épisode, tu vois, on sent que le balai il sort un petit peu. Oui, si, je suis sûr que tu l'as dit comme ça. Non, mais on le voit qu'au bout d'un moment, il commence à sortir des vannes avec Barrett. Il y a tout le passage avec Iris où ils essayent de faire des high fives, ils n'y arrivent pas trop parce qu'il est gêné, tu vois. Ouais. Et petit à petit, ils arrivent à rentrer dans cette dynamique-là. Et à la fin du jeu, tous, ils sont copains. Enfin, tu vois, il y a vraiment des liens qui se créent dans ce groupe-là. Et toi, tu y assistes. Et c'est beaucoup plus fort que ça ne l'était dans le jeu original, et moi j'ai adoré ça, par exemple. La complicité avec Barrett qui passe par des voicelines, qui ne sont pas sous-titrés d'ailleurs, ça c'est un truc que tu peux manquer si tu joues par exemple en japonais ou quoi, bah parfois ils s'échangent hop, des petites phrases en fin de combat, typiquement en fin de combat ou pendant les combats, ça c'est pas sous-titré, et c'est vrai que j'ai dû remettre en anglais sous la VF, je l'aimais pas trop, j'avais mis en japonais pour voir un petit peu, et à un moment je les entendais parler, ça me dérangeait un peu, et quand tu mets dans une langue que tu comprends, tu vois qu'en fait oui, il y a cette évolution narrative en fait, même dans les petites voicelines. Ouais. C'est ça, ils ont travaillé énormément ces relations-là et le traitement du coup du personnage de Cloud qui est central vraiment parce que bah, l'histoire de FF7 tourne autour de la révélation du passé de Cloud et là en fait dès le remake ils arrivent à nous donner vraiment une vraie épaisseur en fait hein, à ce perso-là et moi j'ai trouvé ça vraiment cool avec le point culminant quand il arrive à tu vois à se lâcher en fait un peu à se déguiser à accepter ce rôle-là en plus il fait la danse il y va à fond quoi tu sens qu'il s'éclate pendant un temps et c'est trop drôle enfin vraiment c'est génial d'assister à ça. Et puis, pour conclure un peu tout ça, après nous, on n'est pas des experts en ça, mais il y a les musiques quand même, évidemment, où ils ont repris beaucoup, beaucoup de thèmes, mais je crois qu'il y a une dizaine de gars qui bossent en gros dessus, de mémoire, de le podcast Surstrike, puisqu'il y a Damien Méchry, expert S-Music, je crois que c'est trois compositeurs, et ensuite des réarrangeurs, etc. Après, moi, je connais pas trop les musiques de FF7, globalement, mais c'est beaucoup donc, de réorchestration, de réarrangement. Ouais, il y a beaucoup de reprises, en fait, de morceaux iconiques. D'ailleurs, c'est assez compliqué pour chercher la musique quand tu tapes FF7 remake musique, ça a tellement la musique de Final Fantasy et de FF7 en particulier reprise. A tellement été reprise que c'est compliqué de trouver les bonnes musiques et les musiques officielles et pas des reprises de gens plus ou moins talentueux mais là ouais bah, c'est vrai que tous les thèmes de toute façon tu lances, il y a cette longue intro dès le début où on voit des gamins jouer dans Midgard, donc c'est des séquences qui n'existent pas, et à la seconde où on découvre la ruelle noire avec Aerys et la petite fleur et que t'entends comme ça les musiques, enfin ouais, quand t'as connu les thèmes à l'époque, enfin, il y a des passages qui sont assez incroyables. On peut citer, je sais plus si on en avait parlé, mais le fait qu'ils aient repris justement la musique de Sephiroth, tu vois, pour le combat de fin. On y reviendra. C'est pareil, symboliquement, c'est très fort. Voilà. Moi, les musiques de ce remake, je les ai trouvées assez ouf parce que ça, t'as ce côté un peu, tu vois, Madeleine de Proust, et en même temps, tu sens que il y a plus d'énergie, il y a plus de patates, il y a des trucs en plus qui se passent au niveau des oreilles. Pour résumer finalement ce qu'on dit un peu, moi, j'ai l'impression que ce jeu, il fait tout ce qu'on En tout cas, moi, de loin, qui ne suis pas un grand connaisseur de JRPG, tout ce que je peux attendre de ce truc-là, c'est-à-dire cet attachement au personnage avec une tonalité un petit peu particulière, mais voilà, tu t'y attaches, tu sais, à ce cast vraiment de JRPG, de personnages qui sont un peu haut en couleur, un peu parfois un peu loufoque, un peu parfois maladroit, et je trouve que ça marche super bien. Les musiques, elles sont là. Bref, je trouve que le jeu fait vraiment, tu sais... remplit son rôle de JRPG qui t'en met un peu plein la tronche, de blockbuster du JRPG. Je trouve que ça, c'est vraiment réussi. Et moi, honnêtement, je pensais pas rentrer dedans comme je suis rentré dedans, en tout cas sur les personnages. Vraiment, au début, tu vois, voilà, Barrett qui gueule un peu, Cloud qui est un peu un personnage comme ça. Au début, je me suis dit, bon, ça va être un peu cringy, comme on dit. Mais ça allait pas du tout. Au final, j'ai vraiment adoré tout le monde et je me suis attaché à tous les persos. Et ça, je trouve que le jeu s'en sort vraiment haut la main là-dessus, quoi. Mais du coup, on peut revenir à nos fameuse longueur, faire plaisir à Maxime. Alors les longueurs, Maxime, pourquoi ? Non mais, en vrai, bon, c'est vrai que de toute façon, il y a un jeu en 8 heures qui est transformé en jeu de 30. Donc forcément, il n'y a pas de miracle. Il y a quand même la routine qui est balade dans des couloirs, passer en dessous d'un petit truc en appuyant sur croix, ensuite longer une petite corniche pour encore charger des textures, et ensuite des combats avec de la piétaille en fait. Mais en fait, c'est le rythme d'un JRPG, ça aussi, quoi. Je veux dire, ça a toujours été rythmé comme ça, les JRPG. Disons que t'as certaines longueurs, parce qu'il y a des passages qui vont être volontairement, tu vois, presque du remplissage. Tu vas avoir toujours un donjon qui va te prendre la tête parce que ceci ou cela. Là, c'est vrai qu'on le ressent peut-être un peu plus parce qu'il y a une telle intensité narrative par certains moments que quand tu sens qu'il n'y en a plus, tu sais que t'es en fait, tu le sens. Tu sais que t'es dans un moment un peu de remplissage et que t'es là parce que il faut rajouter quelques heures à la durée de vie. Il y a clairement des segments qui sont complètement inconséquents sur le scénario et qui apportent même pour certains rien du tout. Donc on a parlé des égouts qu'on va voir deux fois. Alors je pense qu'on a au moins un dans l'original quand même. En fait, c'est que c'est des séquences qui ont été largement allongées. Fantômes, tu vois, par exemple, ça dure 10 minutes à la base. Alors, les fantômes n'y sont même pas dans l'original. Il y a les trains, que les trains. Voilà. Là, ils mixent train et fantômes et ça dure une bonne heure pour le coup. Une bonne heure qui termine avec un espèce de char là avec la mort et sa faux et tout. C'est assez cool d'ailleurs, mais voilà, ils ont vraiment en fait allongé certains passages du jeu de base. pour remplir une sorte de cahier des charges. Hein, Tu parlais, mais juste pour en citer encore quelques-uns, avant le second réacteur, voilà, il faut réactiver des petits réacteurs où toi, tu as trois leviers. Oui, puis il y a des plateformes, tu sais, qui se déplacent et tu le vois, voilà. Tu as des matérias qui sont cachés. Donc si tu prends le chemin le plus long, tu vas rajouter 20-30 minutes d'un coup de ça jeu. Ça aussi, tu en as potentiellement pour une bonne heure. Tu as aussi... Les quêtes annexes. Tu as les quêtes annexes, évidemment, mais juste pour les segments, vraiment même ce qu'on peut appeler, je sais pas, des donjons ou des segments. Qu'est-ce que je voulais... Oui, tu as le laboratoire, celui-là, pour le coup, il était quand même vraiment long, le laboratoire. Ah oui, toute la partie avec Ojo. Et en plus, comme disait Hugo, c'est qu'il y a en plus des petites lenteurs, tu vois, même en termes de déplacement, comme tu disais, tu vas avoir des échelles un peu à rallonge, ou passer par des couloirs, marcher sur des tuyaux, plein de moments où tu vas juste marcher, c'est un peu long, enfin, c'est un peu longué, et t'as vraiment les moments, un peu, enfin, moi, j'ai poussé plein de soupirs, tu vois, les moments avec Rouge 13 qui doit courir le long d'un mur pour appuyer sur un levier, mais avant ça, il faut qu'il se mette bien en place. Vraiment, je pense, sans exagérer, parfois tu mets bien du 20 secondes, tu vois, juste à attendre devant ton écran qu'il fasse 20 secondes, c'est oulala. Énorme. Non, mais c'est un peu fatigant, tu vois. Non, il y a des moments où il faut rester appuyé sur triangle pour baisser tel levier, pour ouvrir telle porte. En fait, il y a juste des moments où aussi Cloud, il marche. Je sais pas, il y a un dialogue et tout, et il marche, et c'est juste de la marche. Et t'es un peu, pourquoi je peux plus courir? Enfin, je sais pas, moi, il y a plein de petites lenteurs comme ça qui m'ont pesé. Hein. Vraiment, moi, le jeu, je l'ai trouvé assez chiant à faire, en fait. Hein. Voilà, non, mais, ça y est, c'est non, fait. Moi, ce que je dirais, c'est Discord est en feu. Moi, je trouve que le level design, en fait, il est absolument médiocre, en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu linéaire, mais c'est, voilà, c'est vraiment ce que j'appelle un jeu linéaire. C'est-à-dire que t'as des jeux linéaires qui sont bien déguisés, et t'as là, c'est juste des foutus couloirs qui sont d'une droiteté. Les enfants, tu sais, c'est vraiment un couloir droit, un carré, ensuite encore un rectangle. L'exemple qui me vient en tête, c'est tout le passage donc avant le Airbuster, où tu dois, tu sais, voler les parties du robot que tu vas combattre. Ouais. Ah oui. Et donc, tu as des littéralement des couloirs, ascenseur, une nouvelle pièce. Ah bah aujourd'hui, il y a deux ordinateurs. Voilà, ensuite, il y a trois ordinateurs. Ensuite, maintenant, quatre. Et il y a un combat à chaque fois. C'est zéro surprise. On est dans des clous, mais tu sais, on fond vraiment ça, sur les passages côté. Et le jeu est en fait vraiment foutu comme ça. Alors encore une fois, je comprends pourquoi ils sont revenus à ça, parce que ça permet de créer le rythme qu'ils ont envie de créer. Ça permet aussi de pas se perdre dans un open world. Coucou FF15. Mais en fait, il y a un côté extrêmement archaïque dans cette façon de faire du level design, et en fait c'est d'un inintérêt absolu, quoi. Et pour moi, c'est ça qui rend le ça plus participe long. Aussi à ce que tu attends d'une expérience de JRPG. C'est vraiment un truc toi. Où je me dis ouais, moi j'aime bien, tu vois, des moments dans des jeux où il y a des grosses lenteurs et où je vais juste gagner de l'XP, je vais juste taper sur des monstres, je vais pouvoir m'éclater avec le système de combat, il va y avoir des gros creux sans histoire, sans rien, et ça participe sur la durée à ton attachement au perso, à ces trucs-là. Alors c'est sûr que c'est pas les passages dont tu te souviens le plus, mais dans une session de jeu, moi je me suis pas rendu compte à ce point-là de toutes ces lenteurs-là. C'est-à-dire, je voyais qu'il y avait du contenu qui était à rajouter, il y avait des moments où j'étais là, tu vois, le je sais plus comment il s'appelle, le type avec sa moto là, tu combats, c'est pas le perso que j'ai trouvé. C'est marrant, mais tu vois, je me suis dit, tout ce passage là, est-ce que c'était bien nécessaire? T'as le laquais de Don Corneo qui a toute sa petite backstory, je sais pas, il a une copine machin qui est partie. Ah oui, la deuxième fois dans les égouts là, oui, c'est vrai. Ouais, tout ce passage là, en plus, c'est un perso, visuellement, t'es là, ok. Qu'est-ce que tu fais là, le casting? On dirait une fanfic, tu vois, quelqu'un qui a voulu redessiner un perso de FF7, mais à côté de Cloud, ça n'est pas tout à fait le même chara-design. Donc, bien sûr qu'il y a des moments comme ça, mais sur moi, c'est à ça que je m'attendais. C'est-à-dire que j'avais envie de retrouver ça, et je le retrouvais plus forcément dans d'autres JRPG. Et là, ils arrivent avec ça, et c'était exactement ce dont j'avais envie, en fait. Après, t'as des moments aussi, ils ont essayé de chercher un peu un entre-deux, où tu vas avoir des actions plutôt plus acrobatiques, mais c'est des actions contextuelles que tu actives en marchant sur une flèche bleue. Typiquement, t'as tout le passage avec Iris quand tu quittes l'église. T'as un peu du parcours, tu vois, ils vont sauter truc en truc. Toi, tu marches de flèche bleue en flèche bleue. Ou t'as tout le passage à la tour Shinra où Tifa doit, je sais plus, accéder à un bouton, je sais plus trop quoi. Elle s'accroche, tu sais, à des barres en fer verticales. Elle saute de lustre en lustre. C'est mou, mais dans le mauvais sens. Tu vois, moi, j'ai rien contre des lenteurs cinématographiques. Je peux les apprécier. Mais là, c'est juste. Tu sais, c'est un peu chiant, c'est du sous Tomb Raider, sous Uncharted, enfin c'est un peu... Tu sais, tu marches sur des flèches bleues et en plus c'est long, quoi. Mais bon. Non, mais c'est, voilà, en vrai, il y a vraiment cette construction-là sur la... En fait, la navigation, et voilà, c'est pas, t'es pas là pour ça. Tout n'a pas été modernisé. Et c'est pas ce qu'ils veulent faire avec ce truc-là, donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que moi, le jeu, je l'ai trouvé bien à plein d'aspects, mais il y en a d'autres où. Mais parce que je me dis, bah voilà, c'est un JRPG, donc il est là pour certaines choses, mais il n'est pas là pour toutes les choses que moi, je vais apprécier ou que je vais valoriser dans un jeu vidéo. Moi, c'est vraiment. Ces longueurs, il y a des passages qui sont extrêmement bien réussis. C'est-à-dire qu'à l'inverse, moi, le passage où on doit allumer les spots et tout, bah, je l'ai bien aimé parce que ça permet d'avoir pas mal de backstory sur Tifa, Barrett, sur pas mal de trucs là. Un des passages que j'ai préféré du jeu, c'est le fait de monter les escaliers pour monter la tour Shinra. J'ai bien aimé. Mais ça, c'est drôle. Ça, parce c'est que une blague. Dans le jeu de base, t'avais le choix de passer par les ascenseurs ou par les escaliers. Et là, les escaliers, bah, tu les fais vraiment. C'est-à-dire que ça dure 10 minutes. Bah, c'était le cas aussi. Hein, oui, non, mais c'était différent parce que t'avais pas le côté. Là, ils sont essoufflés, ils en peuvent plus. Tu te fais dépasser. Cloud, au bout d'un moment, il en peut plus parce qu'il a une épée de 20 kilos dans le dos, donc il en a marre. Donc, c'est super bien fait, cette séquence-là. Parce que là, le jeu, il a conscience de se servir de la lenteur et de ce truc. Donc, c'est malin, donc ça marche. Les autres moments où il en a aussi conscience, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Mais comme tu dis, là, je note aussi, parce que tout passe par le voice acting, parce que pour le coup, les animations, là, c'est juste, tu passes de la course à du trottinage, à de la marche, et c'est ce qui essaye de signifier la fatigue. Mais ils sont pas, genre, ils ont pas fait de nouvelles animations, faudrait que je revoie pour être sûr. Non, tu marches. Mais ils sont pas épuisé, c'est juste, ils te mettent une animation de marche simple, toi, et t'entends le voice acting, ils sont et tu sais, c'est un peu, ouais bon les gars, ça aurait pu bosser un petit peu plus peut-être, faire baisser les épaules, les mains sur les genoux. Non mais, parce que il est dur, il est dur, mais j'ai quand même bien aimé ce moment, parce que, en fait c'est un exercice, tu vois, il y a le côté vraiment, c'est assumé, comme tu disais, tu montes vraiment, je sais plus, c'est 60 étages ou 45, je sais plus vraiment, mais beaucoup, et ouais, c'est assumé, comme tu disais, ça va, ce passage je l'ai bien aimé. Non, moi aussi, je trouve ça drôle en fait, mais quand le jeu fait de l'humour avec ça, je suis ok, on est là pour rigoler ensemble. Non mais c'est pour montrer justement qu'il y a, voilà, il y a effectivement une distinction qui est très nette entre des passages qui sont là parce qu'il fallait rajouter du gras, hein, malheureusement, et des passages qui sont là parce que c'est l'occasion de revisiter un moment iconique du jeu. Et ça, encore une fois, je trouve qu'on voit un peu cette même distinction de traitement entre, on le disait tout à l'heure, les PNJ et les persos principaux. C'est de la même manière. Là, quand tu vois un passage qui est important pour le jeu, il est très soigné, il est très léché. Quand tu vois que c'est un passage où t'es juste là pour taper 3-4 ennemis et gagner de l'XP, tu le sens que c'est un peu, voilà, on y va un peu plus légèrement, quoi. Et sinon, sur un plan un peu plus personnel, moi je trouvais que potentiellement cette longueur, tu vois, vraiment le contenu rajouté, il pouvait même aller jusqu'à desservir un petit peu des arcs de personnages. Tu vois, on parlait de Cloud, de son évolution. Bon, je trouve qu'il y en a trop peu en fait pour 30 heures de jeu. Je trouve que vraiment, moi dans ma tête, il y a un moment, Cloud, je l'ai mis de côté. En fait, je me suis dit, il ne connaît quasiment aucune évolution à part s'attacher avec Barrett, parler de voice line ou quoi. Il y a un peu toujours ces petits flashbacks, slash hallucinations, slash trauma, où on voit Sephiroth dès le début, où on va voir quelques petites choses. Mais ça n'évolue quasiment pas, puisque c'est la même évolution quasiment que tu auras sur un équivalent de 8 heures dans le jeu original. Et du coup, il se passe beaucoup, c'est beaucoup plus concentré, c'est beaucoup plus dense en termes d'événements. Là, sur 30 heures, Cloud, voilà, c'est juste le mec un peu renfermé qui s'ouvre. Il débute en fait son arc de personnage, c'est-à-dire que tout ce qui va lui arriver, c'est après qu'on va apprendre. Il y a un truc avec ce que dit Max qui est assez notable, c'est que finalement, comme toi, t'avais pas fait le jeu de base, tu sais, comme t'as pas forcément toutes les infos de ce qui va se passer après, je comprends en fait que tu te dises que Cloud, en fait, on aimerait en savoir plus, parce que justement, moi, je sais ce qui va se passer après, tu vois, je sais techniquement ce qui doit se passer, même si évidemment le jeu twist avec ça. Donc le fait qu'ils aient malgré tout en fait été plus dans du détail, je peux comprendre que ça te perde, étant donné que t'as pas forcément l'expérience du jeu de base. Un autre truc sur lequel on voulait revenir, qui nous plaisait, c'est qu'en fait on a essayé de montrer, vous voyez, dans l'épisode, le côté pas mal d'apports en termes de modernité, quelques petites longueurs sur le côté archaïque. Un truc sur lequel on était tous les trois d'accord, c'est le fait que le jeu conserve des thèmes qui étaient assez avant-gardistes à l'époque en 97 et qu'il les traite encore plus aujourd'hui dans ce remake avec, je trouve, beaucoup de finesse. Alors évidemment, FF7 c'est un jeu qui parle beaucoup d'écologie, mais pas seulement. Et il y a un truc notamment, toi Max, qui t'avait marqué, c'était le côté, tu vois, sur le traitement de la violence et le rapport qu'a Avalanche avec ses actes de terrorisme. Ouais, c'est intéressant, on l'a déjà un petit peu évoqué pendant l'épisode, mais ce côté que, concrètement, ils décident de foutre des bombes, mais t'as Barrett qui a tout un dialogue qui dit, si on ne fait rien, en fait, on est complice forcément de la Shinra qui nous domine. Ne rien faire, c'est prendre un petit peu leur parti, en tout cas les laisser faire, et lui, il se sent vraiment, en son corps, tu vois, il se sent obligé d'agir, de faire quelque chose. Le truc, c'est qu'il y a toute la question de leur méthode, en fait. j'avais noté la différence entre le remake où c'est la Shinra qui fait péter le réacteur, alors que dans l'original c'est vraiment eux qui le font péter. Je trouve ça plus intéressant dans l'original puisque ils se sentent mal, tu vois. Jesse, elle dit ah, merde, est-ce que je me suis planté et tout. Alors c'est toujours le cas dans les remakes parce qu'ils sont pas au courant, donc ça c'est toujours bien, c'est toujours sauvé. Mais nous on sait que c'est bon, c'est les gentils, tu vois. Ça rajoute ce que j'aime pas trop en général dans ces histoires là, ou qui est peut-être trop surreprésenté, c'est ce côté très manichéen, très binaire. Il y a les gentils, il y a les méchants. Là, nous en tant que spectateurs, on sait que la Shinra c'est 100% méchant, Avalanche sont 100% gentils. Il y avait un petit. Disons que c'est pas aussi simple que ça. Ça en rajoute un petit peu par rapport à l'original. Voilà, c'est alors que l'original, je le trouvais un petit peu plus nuancé, mais on garde de la nuance dans le remake. Avec, comme dit, Jesse ne sait pas, tu vois, que sa bombe, en fait, elle était bonne et tout, elle se pense responsable de cette explosion. On voit les gens qui en souffrent concrètement, qui en ont peur, et il y a le côté aussi manipulation des médias. Il y a un moment intéressant dans le bidonville d'Iris, où à un moment on marche et on entend des personnes discuter entre elles, et on sait qu'elles disent « Ouais, j'ai gagné de l'argent facilement, j'ai rejoint une foule, tu vois, derrière une caméra pour gueuler contre Avalanche. » En fait, tu comprends que Shinra paye des... je trouve plus le nom, mais des... tu sais, c'est pas des acteurs, c'est des gens dans le fond. Des imposteurs en fait qui vont, tu vois, haranguer la foule d'une certaine manière en disant oui, mais Avalanche ceci, etc. Et en fait, on comprend qu'il y a effectivement de l'argent en jeu et qu'en fait, Avalanche est plus ou moins exploité par la Shinra. Mais la personne dit, il y en a un qui lui dit ah ouais, donc on t'a payé et tu craches sur Avalanche et tout. Il dit non, mais même si on m'avait pas payé, moi je pense la même chose. Donc tu vois, les gens sont quand même. Contre Avalanche, tu as des gens. J'ai pas dit du bien de ce jeu parce qu'on m'a payé. C'est la passion. mais tu vois qu'il y a toute cette ambiguïté en fait un petit peu morale sur le questionnement de la violence en fait, de la place de la violence dans les méthodes quand on veut renverser. T'as un petit plusieurs peu, dialogues, je crois, avec Jesse et d'autres où ils se posent la question justement de savoir jusqu'où il faut aller. Est-ce que tuer des gens c'est bien? Est-ce que etc. Donc ça c'est pas mal parce que c'est des questions qui, tu vois, qu'on pouvait éventuellement laisser de côté en 97, qui aujourd'hui avec ce qu'on a vécu, tu vois, dans l'histoire et comment ils veulent traiter ce jeu-là. Je trouve ça intéressant que les personnages aient de vraies réflexions sur la portée de leurs actes et les conséquences de ce qu'ils vont faire. Ça, tu vois, j'ai trouvé ça super cool qui creuse un petit peu ce passage-là, et ça participe à ce que je disais plus tôt sur le côté rendre un peu plus riche l'histoire et nous donner plus de backstory tout en restant dans le cadre de Midgar. Et donc ça, je comprends, tu vois, que ça te frustre parce que on nous parle de Midgar et on nous parle de Avalanche, on ne parle pas du reste du jeu. Oui, dans le jeu vidéo, c'est rare de voir de la nuance. Comme dit, moi je trouve que je suis toujours un petit peu trop de manichéisme, trop de binaire. Et comme on l'a déjà dit, mais c'est juste l'occasion de le rappeler, pareil pour la représentation du bidonville, c'était pas non plus les misérables vraiment qui souffrent toujours avec des bébés qui pleurent à tous les coins de rue, mais c'était pas non plus le bonheur partout. Oh là là, on est content, on vit bien. C'est un mix des deux, et je trouve ça même, très appréciable. Même dans le traitement de la Shinra, tu vois, t'as le personnage de Reeve qui, effectivement, lui, quand on le voit dans les réunions, il commence à mettre en doute ce qui se passe. On se rend compte également que tout le monde ne va peut-être pas dans la même direction au niveau de la Shinra. Ils arrivent, je trouve, à infuser comme ça pas mal de petites nuances dans le traitement des différentes thématiques, et là-dessus je trouve que le jeu s'en sort vraiment très bien, justement au passage du Wall Market qui aurait pu être, tu vois, la tarte à la crème ultime sur le côté travesti, etc. Ils auraient pu tomber, mettre les pieds dans le plat, etc. Au contraire, ils ont réussi à nous faire un passage qui est drôle, qui est positif, qui permet en plus de construire les personnages et de s'y attacher encore plus. Enfin vraiment, c'est, tu vois, c'est tous les pouces levés là-dessus parce que ça marche très très bien, quoi. Et du coup, c'est un remake qui sait être moderne en fait, parce que le matériau de base était, comme tu l'as dit, avant-gardiste sur certains points, mais ça reste toujours très bien aujourd'hui. Ils l'ont adapté encore plus vraiment de puis façon surtout incroyable. Ça prend une résonance d'autant plus forte en 97, les questions d'écologie, tu vois, même les questions de est-ce que la violence est légitime pour pouvoir combattre un pouvoir oppressif, enfin c'est des choses il faut se poser la question aujourd'hui, tu vois, dans notre société actuelle, tu vois. Et donc c'est vrai que je trouve que là c'est un jeu qui est très pertinent et bien dans son temps en fait. Ce remake trouve vraiment sa place. C'est pas un truc qui date des années 90 et qui est complètement désuet dans ses thèmes, au contraire, en fait, il prend une ampleur encore plus grande. C'est pas un énième truc sur l'amitié ou quoi que ce soit. Ouais, même si ça, oui, il y en a, bien même sûr, si y a quand sûr. Même oui, ça, oui. Et puis il y a quand même toute cette thématique autour du destin qui est un truc qui est hérité du JRPG, tu vois, combattre le destin, se libérer du destin. Et là, vraiment, le remake prend toute cette thématique à bras le corps, puisque c'est un peu comme ça qu'il a été construit et envisagé par ses créateurs. Et ça, c'est vraiment là-dessus sur quoi on voulait terminer un peu cet épisode, parce que c'est vraiment ça, en fait, qu'on garde de ce remake. C'est cette capacité qu'il a d'être conscient d'être un remake et qu'il y a un jeu qui s'appelle Final Fantasy VII qui est sorti avant lui. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant dans l'approche de Square Enix, parce qu'ils auraient pu très bien, tu vois, faire table rase du passé, repartir sur un autre jeu, faire ça comme si n'était pas, voilà, ça n'a jamais existé. Vous avez pas besoin, c'est un d'y reboot, jouer, tu vois, comme on a tendance à dire. Non. Là, non, c'est vrai que avoir joué à FF7, je pense que c'est important pour comprendre vraiment tout ce qui se passe dans le remake. Alors, n'allez pas balancer 40 heures de votre vie dans FF7 si vous n'avez pas le temps, mais c'est pas mal de comprendre, parce que c'est un jeu qui sait qu'il y a un jeu FF7 qui est incontournable, qui est un monument, et donc il doit pas lutter contre ça, mais il va quand même en faire une espèce d'ennemi, puisque bah, le destin qu'on combat, c'est l'histoire de FF7. La fin de Final Fantasy Remake, de ce remake, c'est on combat Sephiroth et le destin pour se libérer de l'histoire originale afin de s'émanciper et de prendre une tangente. De toute façon, en fait, le final, là, avec toute cette histoire de Zack, avec toute cette histoire de Sephiroth qui nous dit pas cette fois, machin, enfin, si tu n'as pas en tête, si t'es vraiment, tu y vas blind, genre FF7, tu connais pas et tu joues à ce remake, que tu le prends vraiment en tant que tel, ce final il tombe complètement à l'eau, il n'a aucun sens. Il y a, tu sais pas, c'est un personnage qui sort de nulle part, tu sais pas pourquoi il est important. Sephiroth, tu te dis ouais, ok, le machin du destin et tout, et là tu ne captes rien. Et pour moi, c'est ça qu'en fait bah, un remake, mais aussi presque une suite, parce que je considère qu'à bien des égards, il faut avoir fait ou en tout cas connaître ce qui se passe un peu dans le set pour que ça marche. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu dis par rapport à Cloud. En fait, je pense que ça marche super bien si tu connais Cloud, parce que tu sais justement son trauma, tu sais tout ce parcours du personnage, donc du coup là tu vois sa manière d'agir, tu la vois un petit peu différemment. Mais par contre, bah oui, si tu prends juste le FF7 en tant que tel, tu dis bon bah ce personnage il a pas beaucoup bougé quoi. Et tu comprends mieux aussi les interventions des serpillères, ouais. Parce que bah elles sont là pour s'assurer que le destin, c'est-à-dire le scénario de l'original, suive son cours, et ils apparaissent à des moments, le moment culminant c'est, parce qu'en fait tu les vois apparaître avant, mais tu comprends pas forcément ce qu'elle fout là, ce qui se passe et tout. Le moment où tu comprends, c'est quand Rouge t'en parle dans la prison, il commence à te faire comprendre qu'en fait ils sont là pour que le destin soit respecté, et juste après il y a Barrett qui se fait tuer par Sephiroth, et les serpillères le ressuscitent. Et parce là, qu'il meurt là, pas dans l'original. Voilà, et là tu commences à comprendre, tu dis ah oui, ils sont là pour s'assurer qu'en fait ce qui se passe dans l'original, parce que moi je la connais l'histoire, je le connais le destin de ces personnages, et ben c'est ça, Barrett il meurt pas. Et si tu rétropères un petit peu, enfin tu repenses à des trucs avant, il y a un moment où il y a le Turk aux cheveux rouges, c'est Reno. Et ben lui, il y a un moment où Cloud va lui porter le coup de grâce, et là hop, les serpillères apparaissent et l'empêchent de le tuer, parce qu'il ne meurt pas dans l'original à ce moment-là. Il y a plein d'autres petits moments comme ça où vous pouvez voir les autres apparitions. Oui, voilà, c'est vraiment, de toute façon, ils ont vraiment dit, ok, on connaît très bien, enfin, c'est normal, c'est eux qui l'ont créé, mais du coup, ils se sont dit, bah, on va intégrer cette espèce de respectabilité du canon, tu vois, ce côté presque, tu sais, enfin, les serbillères, en fait, c'est des fanboys, tu vois, c'est genre, c'est comme ça le jeu de base, et du coup, bah, à la fin, on combat ça, et est-ce qu'on fait naître une autre timeline? A priori, oui, c'est un petit peu ça qui se passe, puisqu'elles se rencontrent, hein, on rencontre Zack qui n'est pas mort dans une timeline, donc. Toute la question va se poser, comment ils vont gérer ça, quelle ampleur ça va prendre cette réécriture, est-ce que ça va être encore un petit miroir un peu déformé, ou est-ce que ça va être une aventure totalement différente? Moi je le prends vraiment comme ça, c'est-à-dire moi que aussi. J'ai vraiment le sentiment que le jeu s'émancipe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait une évolution où tu vois le jeu donc, qui est dans ce côté hommage à fond, vraiment fanboy, vraiment tu vois fanservice de ouf, genre voilà, on kiffe, on met les ennemis que vous connaissez, on met les passages que vous connaissez, on vous remet les musiques que vous connaissez, mais régulièrement t'as cette espèce de petite insertion d'un petit truc où tu te dis attends, c'est pas comme ça que je m'en souviens, ça s'est pas passé comme ça, tu sais, comme dans Prince of Persia, Sands of Time, ça s'est pas passé comme ça. Et là, en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que le jeu va nous rendre complices de cette envie des personnages de se libérer, de s'émanciper de ce truc-là, pour vraiment... Enfin, tu vois, la comparaison avec les fanboys, elle me fait marrer, mais je la trouve assez forte, parce qu'il faut s'imaginer ces gens-là, ça fait 30 ans qu'ils doivent vivre avec l'ombre et le poids, tu vois, d'avoir réussi à faire FF7 et d'avoir fait des jeux après qui n'ont jamais réussi à se vendre autant, qui n'ont jamais réussi à avoir ce statut culte à ce point-là, et qui vivent avec cette espèce de... Ben voilà, d'aura, tu vois, d'ombre comme ça sur eux, et donc ils vont faire en sorte de nous faire participer à leur envie de s'émanciper et de nous faire comprendre que ben, c'est pas un FF7 identique qu'on veut aujourd'hui, on est en 2020, on est en 2021, etc. On va proposer autre chose et ben voilà, on va matérialiser ça dans le jeu en vous faisant combattre le destin. Alors effectivement, ça résonne à donf avec les thématiques classiques du JRPG où on a tendance à vouloir tuer Dieu à un moment donné, mais ça marche tellement bien. Enfin, vraiment, sur la fin, j'étais là, waouh, c'est super malin. Ouais. Tu vois, c'est drôle, c'est un petit côté un peu auto-réflexif, un peu méta, mais ça marche. Oui, il y a vraiment ce pacte qui est passé, comme on l'a dit, c'est bon, on vous a fait le remake, vous en rêviez, oui, on a rajouté des petits trucs, mais globalement, on a vraiment respecté le matériau de base. Et là, on annonce, on se fait plaisir, et on conclut même, on l'avait annoncé un petit peu avec la musique, il y a la musique Sephiroth à la fin, c'est ce qui concluait vraiment le dernier combat du jeu original. Là c'est bon, on a eu en fait l'équivalent du dernier combat original, on a fini en fait, c'est bon, l'original, on a terminé, l'arc de l'original, c'était ça le remake, maintenant il n'y a plus les serpillères, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ouais, moi ce que je trouve aussi très beau avec ça, c'est que finalement du coup, ils ne font absolument pas table rase de FF7, c'est-à-dire qu'il y a cet amour pour ce jeu de dire bah, on peut pas l'effacer en fait, parce que si on faisait un remake complet et qu'on disait bah de toute façon cette version là elle vaut plus le coup, jouer à ce truc là maintenant, ce serait un peu faire tâche, tu vois, ce serait un peu manquer de respect à cette œuvre là, et du coup il la garde, il dit bah voilà, elle est là, limite faut y jouer en fait, si vous voulez toujours comprendre ce qui se passe, si vous voulez comprendre ce qu'on va raconter de tout cet univers là, il faut faire tout, et je trouve que c'est vraiment réussi, ils ont trouvé un équilibre à la fois, tu vois, c'est malin comme ça, auto-réflexif, à la fois entre l'hommage et le nouveau truc. Et ouais, moi, quand je suis sorti du jeu, ils sont pas cons, c'est bien, en fait. Moi, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, au moins, c'est créatif. Ils sont pas restés dans leur carcan, là, de faire plaisir aux fanboys, justement, de faire plaisir aux serpillères. Ils ont dit, bah, on vous avait fait plaisir, le fantasme est réussi, mais maintenant, on va ailleurs, on va faire autre chose. Et j'ai l'impression, globalement, que ça a été bien pris par la plupart des gens, je pense, et c'est ça qui prouve pour moi qu'ils ont réussi. Et c'est pour ça, justement, que je disais que, bah, tu vois, j'en attendais rien, et j'avais peur d'être déçu, et finalement, non seulement j'ai eu le droit, en fait, tu vois, j'ai eu ma jauge de fanboyisme qui a été remplie à fond, donc, et derrière, le jeu, en plus, prend une liberté avec ça, et nous fait comprendre petit à petit que nous aussi, on participe à ça et que, bah, en fait, on n'est pas, tu vois, en tant que joueur et joueuse, on doit pas s'opposer à, tu vois, à l'émancipation, à la liberté du jeu et du plot, en fait. On doit laisser les personnages s'exprimer, on s'y attacher, c'est pas tout à fait le même Cloud, c'est pas tout à fait le même Barrett qu'on avait l'habitude, ben voilà, on va les laisser s'exprimer, on a envie d'aller voir où ils vont. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, de nous faire participer à ça, tu vois, de nous faire prendre part à ce combat contre le destin. Ils retournent les trucs, au lieu de nous faire de nous l'opposition, tu vois, comme tu dis, les serpillères, les fanboys réactionnaires qui veulent surtout pas qu'on change leur jeu, ils nous disent, non, regardez, les personnages se battent contre ça. Ils ont besoin de cette liberté-là, tu vois, d'avoir leur propre aventure. Parce que, ben, on n'est plus le même jeu. C'est plus tout à fait la même chose. Il faut leur laisser cette chance-là. Et je trouvais ça vraiment brillant. C'est-à-dire que j'ai terminé le jeu et j'étais là, putain, c'est ça qu'en fait, tu vois, j'avais envie. Je le savais pas. Et donc, je l'avais pas anticipé parce que j'avais peur. Si le jeu s'était terminé et, prochain rendez-vous, on va à Calme, ensuite on va à Junon et on connaît toute l'histoire de FF7 classique. Je pense que tu dis, bon, bah, à l'épisode 28, j'en aurais marre, quoi, parce que ça aurait été la même chose. Et là, bah non, ils ouvrent une nouvelle voie, une nouvelle possibilité pour raconter autre chose. Mmh. Et c'est fait vraiment de façon thématique, c'est ça que je trouve super intéressant. Comme on l'a dit, il y a vraiment ce parti pris de, si tu ne connais pas l'original, tu comprendras pas vraiment ces éléments clés. Et c'est pas juste, parce que dans les cadres des reboots ou des remakes, parfois, il va y avoir des clins d'œil, des petites choses, mais là, c'est pas du clin d'œil, non, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire, il faut que tu connaisses, comme on l'a déjà dit, hein, faut savoir qui est Zach, la backstory de Cloud pour mieux comprendre, mais comprendre tout simplement ce qui se passe, et c'est intégré diégétiquement, mais même scénaristiquement, puisque une des hypothèses, ça va être que Sephiroth, en fait, il vient justement d'une des autres timelines, et il nous fait combattre le destin parce que ça l'arrange, en fait, parce qu'il arrive dans une timeline où il va perdre, parce que dans l'original, voilà, c'est les gentils qui gagnent, youpi. Mais là, il arrive et en fait, il fait tuer le destin au héros pour que justement son plan puisse se mettre à exécution. Et ça peut être un départ aussi scénaristique, ça va devenir quelque chose, le fait que l'original ne sera pas respecté. Donc, non, c'est intéressant. Moi, je l'ai déjà dit ici, mais j'ai trouvé pénible à jouer vraiment le remake. Si le 2 ou la suite respecte ses structures, moi, j'y jouerai pas, je pense. Mais par contre, je vais regarder, je pense, l'histoire sur YouTube, où je vais vraiment m'enseigner, parce que ça m'intéresse vraiment pour le coup. Bah, c'est ça qui est fort, c'est que tu vois, il y avait tout ce délire de dire, bon bah, ils ont pas trop communiqué sur cette première partie, ils ont découpé en trois, et en fait, si le jeu c'était juste un remake bateau stricto sensu, ce serait, en fait, là, attendre, ce serait vraiment débile, ce serait nul, ce serait juste, bah, je vais attendre pour que vous me fassiez la même chose en plus beau. On sait ce qu'on va nous arriver. Donc là, vraiment, on serait encore pour partie pour 5 ans juste de service, de fanservice, alors que là, pas du tout. on entame une nouvelle histoire. C'est-à-dire que là, le FF7 Remake 2, bah, ce sera une nouvelle histoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Et là, je trouve que c'est une super manière de recréer une trilogie et puis surtout de maintenir l'intérêt de tout le monde pour acheter la suite. Parce que tu dis, bah, oui, la suite, là, c'est une vraie suite. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et dans, ça s'est fait sans avoir à écraser, oublier ou cracher, voilà, tu vois, sur le jeu original. Ça s'est fait avec un respect assez ouf. On l'a déjà dit, hein, vraiment, il y a un amour du jeu original qui se ressent à tout un tas de détails, et ils ont réussi en ayant ça à intégrer cette idée que ben voilà, on aime ce jeu, nous aussi on l'aime, tu vois, en tant que créateur, ouais, c'est nous qui avons fait FF7. Il y a un deal qui se fait avec nous, voilà, exactement, il y a un vrai échange sur la même longueur d'onde. On a kiffé, c'est trop bien, c'est trop joli, Cloud, on s'est fait plaisir, tu vois, vas-y, on met des trucs VR pour avoir des, tu veux Bahamut, vas-y, on va le mettre, c'est pas grave, on va le mettre en lunettes VR, on va trouver une explication TGCM pour expliquer ça, et c'est cool, tu vois, on a tous ces trucs là, mais à la fin, ben, en fait, on a envie de raconter autre chose avec ces personnages-là. On peut aller dans une autre direction. Et regardez, vous aussi, vous êtes d'accord avec oui, nous. Oui, c'est ça. Toi, t'as eu ton bonbon, donc c'est bon, en fait. T'as eu ta dose. Et du coup, bah, t'es content de dire, bah cool, moi aussi, je suis on board pour qu'on raconte autre chose, puisque bah, j'ai eu ma dose de. Donc, je trouve vraiment, ils ont. Et ça, c'est une approche qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Non, c'est ça. C'est une approche qu'on n'avait pas vue dans d'autres jeux, en fait. Tu vois, c'est qu'il y a très peu de jeux qui ont l'occasion d'avoir des remakes de cette manière-là. De toute façon, il y a très peu de jeux qui ont une aura aussi forte que FF7. Il fallait une solution effectivement exceptionnelle pour un jeu aussi exceptionnel, et je trouve que la réponse qu'a trouvé Square, moi je la trouve brillante, vraiment, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas encore une réponse, enfin c'est voilà, c'est le début de la réponse, oui, c'est l'amorce, c'est la bonne intro, il y a les intentions, on a de l'espoir, mais c'est là que ça peut être le plus casse-gueule, puisque évidemment le moment que tout le monde va attendre, ça va être Aerith. C'est le moment où elle va mourir, ce sera peut-être le cliffhanger d'ailleurs de la partie 2, on verra. Est-ce qu'elle va vivre, est-ce qu'elle va mourir, bah, peut-être pas du coup, gens, tu vois, c'est, ouais, en fait, ouais, mais tout bien est sûr, ouvert, mais c'est ça qui est génial. Mais c'est pour ça que ça va être les attentes, et on verra en fait, on verra ce qui se passe, on verra s'ils arrivent à trouver d'autres pistes, d'autres choses. Heureusement que Max est là quand même, pour, tu vois, parce que moi sinon dans deux secondes j'étais en train de précommander le jeu en direct. Hein. Rappelons-nous, il y a eu la dernière saison de Game of Thrones. Oui, bon, non mais tout est possible. Ce qui est intéressant aussi quand même avec cette idée-là, c'est que du coup, ils sont pas obligés de redonner vie à cette espèce de Max monde, parce que c'est ça que les gens aussi attendaient d'un remake, c'est de dire voilà, il y a le pas l'open world mais l'overworld, hein, c'est plutôt comme c'est ça qu'on parlait, de dire bah comment ils vont refaire ça, bah en fait là ils peuvent se dire bah pas besoin, on va vous faire des villes, des trucs, on va continuer à faire des couloirs, et puis voilà, bon avant faut le dire, hein, c'était des couloirs déguisés, si vous ne le voyez pas, c'est que l'illusion marchait quand vous aviez 13 ans, mais moi j'y rejouais, c'est des couloirs déguisés, hein, c'est le fameux truc de l'open world avec une entrée A, une sortie B, et en fait un gros cercle, c'est vraiment c'est des entonnoirs. Oui, voilà, c'est ça. Mais surtout que le jeu nous pousse à aller d'une direction à une autre, tu vois, il nous bloquait avec des montagnes. Bloqués, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on peut imaginer éventuellement, en fait, il n'y aura aucun vraiment voyage libre entre deux villes. Ça peut juste être des trains, des calèches, tu feras juste des voyages instantanés. Je pense qu'il y aura peut-être une petite séquence un peu libre, un peu, tu vois, à la Uncharted ou en balade. Mais en fait, ça ne sera plus un enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu est différent. Ils ont shifté notre attention et nos attentes pour ce remake-là sur l'évolution des personnages. Le fait que Zack soit en vie, enfin ça, rien que ça, c'est-à-dire ça remet absolument tout le jeu en question, parce que ben si Zack est en vie, Cloud, est-ce qu'il va avoir sa crise, est-ce qu'il va avoir, tu vois, quelle va être sa relation avec Aerith, puisque ben Aerith, son ex est en vie, donc tu vois, enfin voilà. On sait qu'on peut pas être avec une meuf si son ex est en vie. Ça c'est la base. Non, mais... les explications. C'est l'effet Pearl Harbor. Non mais blague à part, ça, moi j'ai trouvé ça ouf parce que je dis putain, mais en fait ils nous ont repris tout ce qu'on savait, ils nous ont donné envie, tu vois, ils nous ont fait plaisir, ils nous ont donné notre bonbon comme tu dis, et à la toute fin ils nous twistent le truc en disant et maintenant tout est et maintenant on sait pas, c'est l'inconnu, voilà. Est-ce qu'on a changé le passé, est-ce que c'est une timeline, voilà, tout est ouvert, toutes les interprétations, vous pouvez écouter des podcasts, des gens qui ont des posters d'Advent Children et un tableau de Liège, des tatouages de l'épée sur l'avant-bras comme ça qui fait toute la longueur, ce n'est pas vrai, je n'en connais pas personnellement, mais ouais, on va peut-être pas forcément rentrer dans les théories, je pense que vraiment c'est ce qu'on avait envie de raconter avec ce podcast, c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de parler du jeu, c'est que bah, il nous avait impressionné par cette audace là. Encore une fois, on pouvait pas vous voir venir quand Benoît disait que bah on n'y croit pas. Moi non plus, honnêtement, j'y croyais pas parce que je me disais bon, un remake, qu'est-ce qu'on a à faire. Mais là, vraiment, il y a une manière super intelligente et très très audacieuse de faire du remake, et c'était super intéressant à vivre. Et il nous donne envie d'en parler. C'est-à-dire que l'univers de FF7, tu vois, c'est un univers qui a fait parler énormément de lui. Enfin, je veux dire, il y a probablement plus de fangame de FF7 que tout, ou peut-être Pokémon. Allez, vas-y, c'est les 2-3 jeux. Tu vois, il y a 2-3 jeux comme ça qui ont généré des tonnes de fangame avec des histoires alternatives, avec évidemment bon des histoires d'amour entre Sephiroth et Cloud, etc. etc. Oui, mais il y a des trucs un peu loufoques qui se passent, mais c'est des jeux qui, tu vois, c'est un univers qui continue de plaire et qui continue de fasciner. Et là, en plus, je trouve ça cool parce qu'ils nous ont donné matière à voir la subtilité et la profondeur de cet univers dans ses thématiques, dans les dialogues, dans les personnages. Et là, ils nous disent, bah, et maintenant, vous voyez, on va aller vers l'inconnu. Donc, comme tu le dis, d'un point de vue, d'un point de vue purement pragmatique, c'est génial parce que j'ai envie que d'une chose, c'est d'y jouer à ce jeu, à cette suite, tu vois, à ce nouveau remake pour savoir c'est quoi la suite, vers quoi ils vont nous amener. Et c'est pas grave si ça respecte pas le jeu de base. De toute façon, il est dispo sur tous les supports possibles et imaginables. On peut y jouer sur notre frigo FF7, donc ça, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie de refaire le jeu original, je peux le faire. J'ai ce truc-là qui est trop cool, qui est à la fois un hommage, mais qui, sur la toute fin, comme ça, trouve une échappatoire vers quelque chose de, ben, d'inconnu. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce FF7 remake. Voilà, on voulait vraiment pas rentrer dans les théories parce que sinon, enfin, dans les explications, là, je pense que sur internet, vous aurez des ressources à foison pour rentrer dans ces trucs-là. Sachant que, bon, en plus, voilà, je parle à titre personnel, je suis pas non plus un grand expert de Final Fantasy VII, l'original. Moi, j'ai dû aller voir justement ces explications avec Zach, le paquet chips, le logo du chien, tous ces trucs-là, pour vraiment comprendre les enjeux parce que, encore une fois, bah, c'est un jeu qui a besoin qu'on connaisse ces éléments-là pour vraiment développer tout son potentiel narratif. Mais je pense que c'est une bonne façon de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée d'avoir fait le jeu original pour comprendre la suite, ça peut paraître comme étant un handicap, mais là, en fait, c'est parce que le jeu a conscience de la place vraiment iconique de FF7, ne peut pas faire abstraction de son existence. Et donc, bah, il l'accepte, il l'embrasse même, et du coup, il décide de l'intégrer au jeu, et c'est effectivement quelque chose de très malin. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, ce sera un jeu un peu plus, un peu plus petit, un monument moindre, on va dire, du paysage vidéoludique. Ça aussi, je l'ai dit, oui, comme ça s'est fait aussi. C'est pour le bingo. On remercie Third, on vous renvoie sur leur site pour les 2 bouquins qui sont d'ailleurs actuellement en promo. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas vendredi, mais probablement, en tout cas, vous pouvez trouver ça. Donc, il y a 2 bouquins sur FF7. Les seuls, en ce moment. Et puis, on peut évidemment teaser leur livre sur la trilogie remake qui sortira en 2027. voilà, on les salue. Le Patreon, évidemment, la base, la blacklist. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour pouvoir voter Pokémon, GTA. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je sais que les gens sont pas bien en train de regarder ça. On rajoute encore de la tension dans toutes et ces sociétés. Et sachant que Max et moi, on n'a pas voté sur cette liste. Ah oui, on peut. Tu vois, à tout moment, on peut appuyer du doigt, tu vois, sur la balance comme ça. Basculer. Vous pouvez les soudoyer. Si vous voulez les soudoyer, vous pouvez le faire via Patreon. Vous donnez. Vous laissez un petit mot. Vous laissez un petit mot. Voilà, je vous donne 10 euros, c'est pour Pokémon. Voilà. Bon, on précisera où on est du coup, parce qu'il y en aura peut-être qui donneront l'argent pour Pokémon ou GTA 4. Ça aussi, il faudra suivre. On peut faire monter les enchères, tout simplement. Ça va aller très, très vite. Ça va aller mal, cette histoire. Très bien. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Ciao.